du Gypsy Rock à la sauce métal. Rendez-vous le mercredi 7 décembre 2011 à l'Ampli de Québec en formule 5 à 7. Entrée libre. Mélogramme, également en spectacle à tous les troisièmes dimanches du mois, au dimanche festif de la Ninkasi, et le 10 décembre au festival Relève en Capitale, au concert patiné de la place Diouville. Informations sur mélogramme.com. Ne manquez pas le 8e continent, le magazine de vulgarisation des enjeux environnementaux actuels animé par Sophie Houle-Drapeau et Jean-Pierre Guy. Au menu, problématiques et trucs pratico-pratiques. Le 8e continent, les jeudis 9h à CKRL. CKRL 30 novembre 2011, mesdames et messieurs, bienvenue à CKRL 89.1. Vous êtes à l'écoute de l'émission La Fausse Patte avec Christian Saint-Pierre. Eh bien, aussi, on est dans un automne un peu bipolaire présentement. On a presque 12 degrés, gros soleil. Bon, enfin, on s'en plaindra pas, mais disons que la magie des fêtes tarde à prendre son envol de notre côté. Toujours accompagné de sa collègue habituelle, Catherine Dorion. Comment tu vas? Ça va bien. Toi, Christian, comment ça va? Non, je vais extrêmement bien. Mesdames et messieurs, d'entrée de jeu, voilà, moi et Catherine aimerions remercier tous les auditeurs de CKRL qui ont voté pour nous dans le cadre du gala annuel 2011 de la station, parce que bon, écoutez, pour une toute jeune émission d'à peine une dizaine de semaines, en plus d'être nommé pour la meilleure émission en toute catégorie, on nous a remis le prix de du meilleur magazine d'information de la station. Donc, merci beaucoup d'abord au comité de programmation de nous donner cette chance-là et de nous avoir aussi attribué ce prix et à tous les auditeurs qui ont pris la peine de voter pour nous. Voilà. Oui, merci à tous. C'est très apprécié. Donc, ça nous donne encore plus l'envie de poursuivre notre mission de cet autre discours de la Ville de Québec. Évidemment, les ondes radiophoniques vont toutes dans une direction, sauf ici. Soyons toujours là. Nous sommes fiers d'être ce village gaulois. Voilà qui. Ouais, et cet autre discours de la Ville de Québec va commencer à grossir, j'ai l'impression, Christian, parce qu'il y a des mobilisations un peu partout, sur plusieurs points dans la ville, pour plusieurs choses. Puis ça va commencer à grossir, cet autre discours. En effet, et on est là pour l'alimenter. Catherine, mesdames et messieurs, il s'est passé à nouveau, j'ouvre toujours l'émission en disant ça, c'est parce qu'on est dans une époque très faste, très effervescente au niveau social et politique, mais j'aimerais parler d'un sujet dont on n'a pas parlé souvent à notre émission pour ouvrir cette semaine. J'aimerais parler d'Occupation Double. C'était la grande finale d'Occupation Double ce dimanche. Et lundi matin, dans les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, on a vu beaucoup d'indignation par rapport à la finale d'Occupation Double. Les gens étaient complètement horrifiés, scandalisés de ce qui s'était passé à cette finale. Et honnêtement, mesdames et messieurs, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout dans mes intérêts. Et c'est pas de ça du tout que je veux parler. De ce que je veux parler, c'est que je me suis amusé, en fait, en tant que polémiste en herbe. J'ai créé un statut Facebook, voilà, qui se lisait à peu près comme suit. Si les gens s'étaient permis de traiter les indignés, hein, les gens d'Occupons Québec, entre autres, de chialeux et de braillards, est-ce que j'ai le droit, moi, de manquer de respect à ceux qui s'indignent devant la finale d'un show de télé? Évidemment, j'ai eu énormément d'appui, beaucoup de gens qui se sont montrés « oui, tu fais bien, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens ». Alors, très parfait, alors je vois qu'il y avait, y a des gens qui sont de mon côté également. Mais, petite anecdote que je veux raconter, j'ai rajouté, moi, à un moment donné, dans ma discussion, j'ai rajouté « ça doit être la même chose, est-ce que je peux faire la même chose aussi avec ceux qui ont crié, qui ont gueulé au scandale pour la fin controversée de la défaite du Canadien le samedi ». Et là, pop, tout d'un coup, les gens qui s'étaient montrés favorables à mon commentaire dans un premier temps ne l'étaient plus tout d'un coup, parce que le hockey, c'était comme autre chose. Là, on se portait à la défense du hockey. Voilà. Et là, moi, le fond de cette histoire-là, c'était de dire que ce qui était dommage, c'est que les gens se permettent, les gens ceux qui ont condamné, voilà, les indignés comme quoi c'était des chialeux et des gueulards et des socialistes et des communistes, ben, eux se permettaient de s'indigner aussi, mais pour la finale d'Occupation Double et pour une défaite d'un troupeau de millionnaires qui lance une rondelle en caoutchouc dans le fond d'un filet. Sur ça, je suis un fan de hockey, mais je questionnais tout simplement les valeurs qui sont mises de l'avant sur Internet. Et voilà, vous, mesdames et messieurs, qui avez probablement... J'espère que vous en êtes pas, hein? Et que souvent, les gens qui ont chialé contre les indignés, qui traitaient de brailleurs, ben, ce sont les mêmes qui braillent sur les Facebook pour Occupation Double et le Canadien de Montréal. Alors, ouais, puis ça aussi, on peut faire une hiérarchisation des raisons pour lesquelles s'indigner, mais moi, ce qui me choque là-dedans, c'est pas nécessairement qu'il y en ait une, parce que oui, on pourrait dire, bon, se battre pour la démocratie, c'est plus important que de se battre pour une finale d'une émission comme Occupation Double. Mais même si ça avait la même valeur, ce qui me choque là-dedans, c'est que le moment où on a commencé, tout le monde était très, très, très favorable aux indignés dans les premiers jours, dans les premières semaines de l'indignation. Puis, ce sont, d'après moi, les médias qui, les gros médias qui se sont mis à dire, à parler, à ne plus parler du tout des raisons pour lesquelles les indignés s'indignaient, mais à parler seulement de « ils occupent un endroit public, ils occupent un endroit public, ils occupent un endroit public », comme si un endroit public n'était pas fait pour être occupé par le public. Puis à finalement essayer de générer autour de ça une frustration, puis... mais les gens étaient... Est-ce que les gens étaient vraiment tannés? Les gens se sont mis à se retourner contre les indignés, puis à dire « ben là, ça n'a plus de bon sens ». Mais les gens qui disaient « ben là, ça n'a plus de bon sens », jamais allaient dans ce parc-là. Je serais prête à dire que 98% des gens qui chialaient contre les indignés n'allaient jamais dans ce parc-là. Fait que c'est quoi qui les dérangeait là-dedans? D'où venait leur indignation contre les indignés? Ben, moi, là, je pense que les indignés leur mettaient un miroir devant les yeux, c'est-à-dire que les gens... Ça leur faisait réaliser que ça va pas bien. Et là, il faudrait peut-être s'occuper de ça, là. Oh non, oh non, moi, j'ai pas le temps, mon Dieu, je veux pas m'en occuper. C'est ça qui est le problème, moi, je pense, là, qui est arrivé, c'est que les gens, ça les réveillait, en fait, cet événement-là, et ça salissait la belle carte postale. Ou ça les laissait endormis, puis en entendant que partout dans les gros médias, on disait, là, on parlait juste du fait que les gens étaient tannés, ben, finalement, exact. On s'est dit, ah, OK, oui, c'est vrai, donc il est dans l'air du temps d'être tanné des indignés. C'est ça. Et moi, ce qui est intéressant avec l'émission d'aujourd'hui, ma belle Catherine, c'est qu'à la toute fin de l'émission, Maxime, notre travailleur de rue qui est venu il y a quelques semaines, va revenir nous parler avec un membre d'un organisme qui s'occupe des itinérants à Québec. Et justement, le bon maire et la radio de droite disaient que occuper le parc de la place de l'Université du Québec, c'était ne pas rendre service aux itinérants, aux personnes qui en ont vraiment besoin. Monsieur Éric Duhem a déjà dit ça. Et il va venir nous parler que, justement, la relation entre la Ville de Québec, sa police et les itinérants n'est pas celle que l'on peut laisser croire. Donc, il y aura un double discours, évidemment. On découvrira, il y a une étude qui est paru voilà, il y a quelques semaines et donc qui était le sujet d'un article aussi dans Le Soleil. Donc, ils vont nous parler, ces gens-là, de cette étude-là qui a été faite plus en profondeur. On va vous en parler. Mais ça prouve que, évidemment, l'argument que la Ville amenait, que ça aidait les itinérants et tout ça, ben on sait très bien que la Ville, elle, aide pas vraiment les itinérants. Puis on va vous expliquer pourquoi. Là, donc, à 5 heures avec notre travailleur de rue? Exactement. Parfait. Donc, dans l'actualité, toi, Catherine, qu'est-ce que tu as retenu? Moi, j'ai retenu de Richard Lahire un article qui a été publié dans Vigile. Richard Lahire publie beaucoup d'articles très intéressants dans Vigile. C'est une espèce de on pourrait dire, journaliste d'enquête à son compte. Et là, il a déniché quelque chose qui est très intéressant, que beaucoup de gens se sont passés sur Facebook et que je tiens à vous partager. Il dit, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des liens très, très clairs entre Sarkozy en France, Paul Desmarais... au Canada, et Jean Charest, ben, par exemple, Sarkozy lui-même a dit publiquement que si ça n'avait été de Paul Desmarais, jamais il aurait pu devenir président français, parce que Paul Desmarais a financé pour à peu près le tiers de sa campagne. Ah oui, c'est intéressant, oui. Ça. Oui, oui. Et peu après, Jean Charest a reçu la Légion d'honneur, occasion à laquelle Sarkozy a dit les fameux mots qui ont bien outragé le PQ puis le Bloc québécois, où il a dit les séparatistes québécois sont refermés sur eux-mêmes et il est mieux de s'ouvrir au monde, etc., etc. Tout ça, ça a été... En fait, c'est une gang d'amis. Quand on se retrouve au sommet du monde, quand on se retrouve premier ministre ou président, c'est qui les gens qu'on veut courtiser? Qui sont les gens devant qui on veut flasher? Ben, c'est pas le petit peuple sous nous, évidemment. C'est les gens qui constituent notre entourage social, c'est-à-dire les grands de ce monde. En fait, les puissants de ce monde ne sont pas nécessairement des grands. Et Richard Lahire, dans son article, découvre que le demi-frère de Sarkozy, qui s'appelle Pierre-Olivier Sarkozy, ou qu'on appelle parfois juste Olivier Sarkozy, un homme d'affaires franco-américain, est un des principaux dirigeants du groupe Carlyle. Groupe Carlyle, c'est une société privée d'investissement américaine. Qu'est-ce que c'est une société privée? C'est une société où... c'est pas comme une société qui est en bourse ou une société qui est tenue de divulguer des informations sur la structure de son capital action, puis avec des actionnaires. Et des pas des actionnaires, mais des gens qui possèdent les actions. C'est des actionnaires. C'est une société privée, donc c'est pas tenu de divulguer aucune information. Et le demi-frère de Sarkozy dirige, étant entre autres personnes, dirige ce groupe-là, qui compte parmi ses principaux investisseurs Laurent Beaudoin de Bombardier et Paul Desmarais de Power Corporation, qui sont tous les deux de grands fédéralistes qui se sont battus qui ont pour le fédéralisme et qui ont beaucoup donné à la cause et qui ont été très, très, très, très près, qu'ils sont encore du Parti libéral du Québec. Et on sait que, donc, Richard Lauhir dit Olivier Sarkozy, ce demi-frère de Nicolas Sarkozy, a réalisé un mandat important pour la CIBC, dont le président du conseil d'administration est nul autre que Charles Sirois. Donc, Charles Sirois fait partie un peu du même milieu social que tous ces gens-là. OK. Juste pour préciser, Catherine, Charles Sirois, c'est le cofondateur de la Coalition d'Avenir Québec, c'est ça? Oui, oui, excusez-moi, c'est vrai. C'est le cofondateur, en fait. C'est un peu comme Françoise et Amir. Ils sont ensemble dans la fondation. Ça. C'est beau, hein? Charles Sirois et François Legault sont ensemble dans la création d'une nouvelle intelligentsia financière au Québec pour remplacer le Parti libéral du Québec qui est probablement, selon les gens, qui étaient tous, tu sais, il y a plein de financiers, il y a plein d'intérêts privés qui sont derrière le Parti libéral du Québec depuis 10 ans, ben depuis que Jean Charest est là, qu'ils ont été élus, et qui se sont dit, merde, il sera jamais réélu, il y a trop mauvaise presse, Jean Charest, c'est fini, qu'est-ce qu'il faut? Puis, je sais pas, vous avez remarqué que les journaux comme la presse, les journaux qui appartiennent à Paul Desmarais, à Power Corporation, en fait, qui depuis toujours sont derrière Jean Charest, avec Sarkozy et d'autres, présentent toujours le GO et la Coalition pour l'avenir du Québec sous un jour très, très, très favorable. Ils vont dire, par exemple, c'est sûr que c'est eux, vous allez voir tel sondage, ils vont être élus. Puis un tout petit en bas, ils disent, par contre, si c'est Gilles Duceppe qui est chef du PQ, ça pourrait être autrement. Donc, ce que Richard Lauhir, qui a écrit cet article-là, fait ressortir, c'est que, évidemment, on ne peut pas prouver des amitiés et des ententes, mais que tout porte à croire que la coalition Avenir Québec se porte à la défense des mêmes intérêts d'affaires que ceux à la défense desquels était le Parti libéral du Québec. Donc, quand la coalition Avenir Québec va se faire élire, si elle se fait élire, il y a une trollée de gens très importants, mais dont on ne connaît pas très bien les noms, qui vont attendre des retours d'ascenseur pour des raisons très, très claires, c'est que c'est eux qui vont avoir mis François Legault au pouvoir. Absolument. D'ailleurs, Catherine, excuse-moi de t'interrompre, mais on questionnait il n'y a pas tellement longtemps de ça ici, puis dans d'autres journaux, la campagne de François Legault, parce que, bon, son mouvement, lorsqu'il était un mouvement, a fait du financement, parce qu'on apparemment... Ben oui. Et quand t'es juste un mouvement, t'as pas à suivre les règles du DGE. Et là, tout d'un coup, bang... Le directeur général des élections qui dit que on ne peut pas donner plus que temps et que tout doit être compilé, rentré sur le site du directeur général des élections. Donc, tous les dons, les partenariats qu'il a fait, ce beau François, lorsqu'il était seulement un mouvement politique, probablement que l'argent se retrouve dans les caisses du parti présentement, on s'entend. Ben, très probablement. Voilà, tu sais. Ou en tout cas, ça a permis de faire toutes sortes de choses avant qui ont donné une espèce de capital médiatique à la Coalition Avenir Québec qui vaut très cher parce que François Legault est devenu très, très connu, très, très populaire, très, très, entre guillemets, aimé. Ou en tout cas, c'est ce qu'on dit les sondages qu'on n'arrête pas de répéter jusqu'à plus soif. Et ce capital-là médiatique, c'est un capital qui te permet de te faire élire dans un endroit comme le Québec ou dans la plupart des pays occidentaux aujourd'hui. Donc, c'est peut-être que l'argent a déjà été dépensé dans toutes sortes d'affaires de promotion. Mais même si l'argent n'existe plus, même si tout cet argent-là a été ramassé et dépensé avant que la Coalition Avenir Québec devienne un parti, cet argent-là a été dépensé pour se faire un capital médiatique qui, aujourd'hui, est extrêmement fort. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il crée un parti. Donc oui, il y a une crosse quelque part en arrière de ça parce que tu commences avec quelque chose que des gens avec beaucoup d'argent t'ont aidé à bâtir avant que tu doives rentrer ces montants-là dans le processus légal que le directeur général des élections a institué pour faire en sorte que ce ne soit pas l'argent qui décide de qui va être le prochain premier ministre au Québec. C'est formidable parce que pendant qu'on court après Jean Charest pour le condamner de collusion et de corruption et tout ça, on veut monter en champion, en premier ministre, on veut courir roi François Ier, Legault à la tête de l'Assemblée nationale et du Québec. Et pourtant, il a les mêmes méthodes, il a les mêmes chemins, les mêmes paradigmes. C'est formidable. Et on l'attend au détour. Quand il va devenir premier ministre, on l'attend au détour. Cette job-là, ce contrat-là, cette affaire-là, c'est à moi que ça va venir parce que c'est moi qui te fais roi. Puis ça, c'est le même modèle que celui qu'on va essayer de quitter en voulant supposément du changement. Et là, on ne parle pas nécessairement des citoyens qui l'attendent dans le détour, mais bien des financiers qui l'ont à côté. Là, oui, oui. Et puis qui ont fait que là, maintenant, Legault est capable de dire ben moi, dans mon parti, ça va être gratuit pour être membre. Puis qui va ensuite dire dans les médias, j'ai tant de milliers de membres parce que grâce à cette mesure-là, parce que lui, il n'aura pas eu besoin d'argent. Il y a plein de gens qui l'ont appuyé dans l'ombre. C'est sûr que les membres qui ne paient pas pour faire partie d'un parti politique n'ont pas grand-chose à dire probablement dans les décisions qui sont prises. J'ai hâte de voir, moi, s'il y aura congrès, n'est-ce pas? On parle beaucoup plus de la chasse aux candidats vedettes présentement dans les journaux. On parle de toutes sortes de personnes. Ça va ressembler vraiment à... je sais pas si tu te souviens du film, je me souviens du titre qui est sorti l'automne dernier avec plein de vieilles vedettes de films d'action. Je sais pas si tu te rappelles, là, il y avait Stallone qui est en arrière de ça. Le nom m'échappe, mais ça fait penser à ça. Il y a des lutteurs là-dedans. C'est la première fois qu'on trouvait Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis dans le même film. Ouais. La CAQ me fait penser à ça. C'est des vieilles vedettes là, puis des vieux noms, là, des gros noms, là, des messieurs là, forts, là, puis des héros qu'on veut tous réunir dans la même équipe. Là. C'est comme un match des anciens du Canadien, en fait. En fait, c'est une armée d'opportunistes qui se sont mis ensemble en disant on a trouvé le moyen de se faire élire, on a les bons amis qui vont mettre notre face puis notre nom partout dans les médias les plus lus au Québec. On est tous liés avec ces gens-là. C'est nous l'équipe gagnante. On va se faire un gros party sur le dos des Québécois. Là, quand oui, oui. Puis quand tu es l'équipe gagnante, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir des idées super intéressantes derrière. Le fait de voir une gang de gagnants, c'est très, très fort émotivement. Ça. Puis il y a beaucoup de gens, autant ceux qui vont voter que ceux qui veulent s'impliquer politiquement, qui vont être attirés par ça presque aveuglément et qui vont dire « Oui, wow! » C'est par là, là. Si on veut gagner, c'est par là qu'il faut aller. Puis au Québec, historiquement, on est très suiveux dans le sens que, écoutez, c'est pas compliqué, mesdames et messieurs, notre saint patron, c'est Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, c'est pas le sauveur. Saint-Jean-Baptiste, c'est celui qui annonce le sauveur. C'est le sacrifié pour le sauveur. C'est lui qui va donner sa vie pour l'avènement de Jésus. Ben, c'est ça le Québec, hein. On a attendu René Lévesque. On a attendu après ça, là, dans les dernières années, on a eu le sauveur Mario Dumont. On a eu le sauveur Jack Layton. On a eu le sauveur Lucien Bouchard. Et là, on aurait le sauveur François Legault. Au lieu de se dire, ben, le sauveur, c'est nous-mêmes. C'est nous dans les rues. C'est nous dans les usines, les hôpitaux, les écoles, les stations de radio. C'est nous le sauveur. Et au lieu de dire qu'on attend le Jésus, le sauveur, ben c'est ça. C'est un peu dommage. C'est un peu un phénomène typiquement québécois qui serait à changer. Mais je pense qu'il y a des changements qui commencent à arriver parce qu'on c'est difficile de ne pas suivre un sauveur quand le seul moyen d'avoir un discours cohérent au niveau du Québec, c'est d'avoir une radio, ou d'avoir une télé ou d'avoir un journal. En fait, c'est un top-down relation là, qui part du haut puis qui s'en va d'en bas, c'est-à-dire tu as un média important qui va dire à tout le monde en même temps, voici ce qui est vrai. Puis là, tout le monde en même temps, qui ne sont pas ensemble parce que chacun est divisé dans son petit salon, chacun est dans son temps, chacun est dans le jus, chacun se voit plus ni à l'église ni dans des assemblées de n'importe quoi. Là, je veux dire, on a tellement plus envie ou espoir ou de participer à la collectivité. On trouve ça tellement décourageant juste penser à la collectivité. On trouve ça, le Québec, les Québécois, ça nous tente plus. Chacun se retire dans sa vie privée. Fait quel dialogue il peut y avoir entre nous? Le seul dialogue qu'il peut y avoir, c'est celui qui arrive des médias d'en haut puis qui tombe dans la télévision des gens. Mais à la base, il n'y a plus de relations, il n'y a plus de contacts. Mais cette base-là est en train de reprendre vie. Ça, moi, je le vois sur le terrain. Là, je suis impliquée dans plein de milieux, puis toi aussi, ouais, absolument, oui. On le voit sur le terrain. Il y a quelque chose qui est en train de reprendre vie. Puis si ça peut grossir, si on peut recommencer à se parler entre nous pour forger de nouveaux discours que ceux qui nous tombent du ciel, là, c'est une bonne nouvelle, ça, pour le Québec. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec ce que je disais sur Facebook, dans tous ceux qui ont commenté mon truc, parce que ça a vraiment donné un débat, c'était super. Et il y a quelqu'un qui a fini par me dire « Je suis d'accord avec toi, sauf que moi, je ne juge pas mes voisins. » C'est-à-dire que je ne force pas mes voisins à... Je ne contrôle pas leur vie. Alors, ils font bien ce qu'ils veulent. S'ils préfèrent écouter Occupation Double que de voter, ben tant mieux. Moi, ça me donne plus de points à mon vote. C'est extrêmement et tragiquement individualiste comme vision, et c'est ça, je trouve, qui pourrit notre Québec présentement, c'est que t'as raison, on ne se parle plus entre voisins. Moi, je m'excuse, ça me concerne qu'est-ce que mon voisin va voter, parce que c'est pas vrai que son vote vaut moins que le mien. C'est extrêmement présomptueux que parce qu'on est renseigné que notre vote vaut plus. Au contraire, si la personne, en deux épisodes que Passion Double, décide d'aller voter, c'est important de savoir pourquoi et comment elle vote, en tant que société. Et voilà, si... Ce qui est dommage, c'est cette manie qu'on a, que si, lorsque vous passez la porte de votre appartement, à l'intérieur, ça se passe bien, mais ce qu'il y a dans la rue de l'autre côté, si ça va mal, ça ne vous concerne pas. Ça, c'est extrêmement triste, c'est même tragique, et c'est ça qui va nous mener à notre perte. Alors, autre chose dans l'actualité, de mon côté, ce qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête, c'est cette menace que le Parti conservateur à Ottawa, de Stephen Harper, brandit de se retirer du protocole de Kyoto. Vous savez, le protocole de Kyoto qui a été dirigé par notre ancien ministre de l'Environnement, Stéphane Dion, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas au Québec à cause de la loi sur la clarté référendaire, ben, au moins là-dessus, il a été très avant-gardiste, très progressiste. C'est lui qui a amené cette idée-là du protocole de Kyoto, qui a dirigé l'après-Kyoto aussi. Je me souviens que les négociations, et c'est un peu cette vague-là qu'il avait fait monter à la tête du Parti libéral, en fait. Il avait profité de cette bulle-là, de cette puissance-là qu'il avait. Et là, le Canada, en tant que puissance mondiale progressiste, membre du G8, tout ce que vous voulez, veut se retirer du protocole de Kyoto, tout comme le Japon et la Russie. En fait, ils disent que Kyoto fait maintenant partie du passé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que Kyoto fait présentement partie du passé, tandis que tous les experts s'accordent pour se dire que le réchauffement planétaire est dû à l'activité humaine. On a eu Serge Payette, un prix du Québec, qui a passé 40 ans dans le Nord québécois, qui a écrit des livres, des ouvrages, qui dirige une chaire de recherche depuis nombre d'années, des décennies, nous dit clairement et précisément que c'est l'activité humaine qui fait que la planète se réchauffe et qu'on se dirige vers des catastrophes écologiques. Et là, notre bon gouvernement dit que Kyoto, qui visait justement à la réduction des gaz à effet de serre pour empêcher ce réchauffement planétaire, ça fait partie du passé. Alors, je ne sais pas, mesdames et messieurs, si vous entérinez en tant que citoyen cette espèce de pensée, mais ça prouve encore qu'au Québec, on est à des années-lumière de ce gouvernement présentement qui dirige le pays qui s'appelle le Canada. Et qui parle au nom du Canada, qui dit toutes ses idées sur Kyoto. Il dit « le Canada pense que », puis c'est en notre nom qui parle de cette façon-là. Et c'est drôle, hein, quand c'est temps de parler de justice et tout ça, d'ouvrir des prisons, des choses comme ça, on dit toujours « le gouvernement Harper va faire ceci ». Quand on parle d'abolir Kyoto, c'est le Canada pense ceci. Voyez le double discours, mesdames et messieurs. On manque de culottes présentement. C'est de la fourberie, c'est de la fumisterie. Et il y a même des gens qui ont lancé, qui ont fait des démarches auprès de Avaaz, le fameux site internet de pétition, pour que justement, il y ait une pétition qui circule pour que le Canada, justement, se rétracte et reste à l'intérieur des pays qui ont entériné Kyoto. Et pourquoi ils veulent se retirer de Kyoto, c'est qu'ils veulent une uniformisation des exigences pour tous les pays. C'est-à-dire que des pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil ont des exigences moindres parce qu'ils sont en voie de développement. Développement sauvage pour... c'est drôle en développement parce que ce qu'on se rend compte, c'est que dans ces pays-là, les travailleurs, les droits humains sont bafoués, les droits, l'écologie est complètement en bas de liste dans les priorités. Donc, c'est en développement de quoi, en fait? Développement économique, mais c'est pas en développement responsable du tout. Et ils voudraient que ça soit uniformisé. Uniformisé vers le haut, uniformisé vers le bas. C'est-à-dire que le Canada soit redescendu aux mêmes exigences que la Chine, le Brésil et l'Inde, ou que ces trois pays-là soient amenés aux standards du Canada, de la France ou des grands pays de ce monde. Et ça, c'est nébuleux, on ne précise pas ça. Donc, trop de zones grises, mesdames et messieurs, regardez ça de près, parce que, je veux dire, si on est un citoyen responsable, je pense qu'on doit accepter le fait que on a des incidents sur le réchauffement planétaire et que notre gouvernement doit vraiment être progressiste là-dedans et continuer le combat. De toute façon, c'est un non-sens de penser, puis il y a beaucoup de gens dans les pays riches qui disent « c'est pas juste, pourquoi nous on se forcerait alors que les pays pauvres essaient d'avoir des passe-droits pour pouvoir produire, ben, finalement, polluer plus? C'est pas juste. » Puis les pays pauvres disent « pauvres, les pays en développement », ce qui est le terme plus diplomatique, pays en développement disent non, nous, vous avez pollué depuis la révolution industrielle, c'est vous qui polluez. Nous, tout ce qu'on fait, c'est venir se faire extraire nos ressources par vous autres pour que vous puissiez aller polluer dans votre pays. Vous avez pollué la planète plus que nous. Nous, on a le droit à notre développement aussi. Notre développement va nécessiter de la pollution, alors vous allez accepter qu'on en produise plus que vous pour les prochaines années. Bon. Ça, ce qui est dommage avec cette idée-là, moi, je trouve que c'est juste du point de vue d'un point de vue justice, mais d'un point de vue environnemental, c'est que là, tu as des milliards de Chinois et d'Indiens qui vont se mettre à vouloir une automobile et tout ça, et ça risque de faire mal à la planète. Et ce que les gens de la gauche dans les pays riches disent, c'est non seulement les pays en développement ont raison, mais nous, faudrait pas être fâchés du fait qu'ils veulent se développer et arriver à notre niveau et que ça va leur demander de l'énergie. Il faudrait au contraire faire tout ce qu'on peut en transfert de technologies, leur donner gratuitement des technologies qui leur permettent, sans que ça leur coûte plus cher, de faire des énergies renouvelables, des énergies non polluantes, de se développer de façon ultra moderne. Irresponsable. Et puis, on empêche encore ce transfert de technologie-là pour avoir le gros bout du bâton dans toutes sortes de négociations. Puis, ça pollue. Je veux dire, si on veut si on est capable de voir plus loin que l'intérêt national, ben à un moment donné, il va falloir s'entendre là-dessus. Là. Je veux dire, on partage une seule planète, puis on la partage. C'est drôle, Catherine, il y a dichotomie, parce que au niveau, quand on parle de développement économique, on parle de créer de la richesse, on vante la globalisation du monde, on vend la grande, le village global, la grande planète, tout le monde ensemble, mais quand c'est le temps de parler, justement, de sensibilisation, de responsabilisation, tant qu'à l'environnement, tant qu'aux droits de la personne, elle, tout d'un coup, là, non. C'est l'intérêt national qui compte. Alors, ben, voilà. C'est même pas l'intérêt national, c'est l'intérêt financier des dirigeants. Ouais, ouais, c'est qui nous font passer ça. Sur, si j'ai de l'argent, je vais vous donner des jobs. Et là, on a prouvé avec Bernard Rénier quelques semaines que c'est pas vrai. L'argent reste dans les poches. Donc, il sera peut-être temps que la population s'indigne pour vrai et passe aux actes. Ça roule vite, ça roule vite. Dernier sujet qui va nous introduire à la suite de l'émission, Catherine. Oui, un éditorial d'André Pratt du 26 novembre cette semaine, donc, qui disait, on a parlé du plan Nord la semaine dernière, on a dit comment Jacques Parizeau, Landry et plusieurs autres s'étaient insurgés contre le plan Nord en disant on se fait avoir, les minières et le gouvernement Charest s'entendent pour voler nos ressources, en fait. Et bon, Charest avait répondu un truc fumeux dans les journaux. Ça voulait toujours rien dire, là. C'était de la pure pédagogie sans sens. Mais André Pratt a essayé de répondre, lui, de façon plus intelligente. André Pratt, qui est le bien connu éditorialiste à la presse, qui est... en fait, dont on connaît bien les idées quand on le lit un peu. Donc, il dit, bon, les gens ont chialé contre le plan Nord, des gens chialent contre le plan Nord, c'est pas si mal que ça. Franchement, le Nord du Québec... attire beaucoup d'entreprises et l'optimisme exprimé dans le plan Nord n'est pas du tout excessif. Donc, il traite un peu tous ceux qui se sont insurgés de réactionnaires, finalement. De réactionnaires qui veulent pas que le Québec fasse de l'argent. Ah non, non, on n'aime pas ça, l'argent, c'est sale. Non, on n'aime pas ça, tu sais. Avec André Pratt fait partie de ceux qui ont souvent cette opinion des Québécois. À chaque fois qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe chez nous, c'est un peu la réaction qu'il a. Il dit... C'est pas vrai ce que disent les détracteurs du plan Nord. Les entreprises minières qui œuvrent au Québec sont soumises à des taux d'imposition très comparables à ce qu'on trouve ailleurs dans le monde. Moi, j'ai hâte de savoir si c'est vrai. On va recevoir après la pause Hugo Lapointe, qui est le porte-parole de la coalition pour que le Québec ait meilleure mine, donc qui travaille très fort sur une coalition de plusieurs organismes qui travaillent pour produire des informations très pertinentes, qui font des recherches très poussées sur le secteur minier au Québec. Ils échangent avec les décideurs gouvernementaux, avec les parlementaires. Ils font beaucoup de sorties dans les médias. Ils sortent des documents qui sont très utilisés d'ailleurs par les journalistes. Puis ils promeuvent l'implication citoyenne des populations qui sont touchées par l'activité minière. Donc, eux autres travaillent beaucoup pour que les minières non seulement ne volent pas les Québécois et qu'ils ne laissent pas derrière eux un champ environnemental complètement détruit. Alors, Hugo Lapointe va répondre à cet article-là. Et André Pratt continue en disant « Franchement, c'est pas vrai non plus qu'on se fait avoir. Investissement Québec, qui est une structure québécoise d'investissement pour le Québec, là, est déjà actionnaire à 37% d'une des compagnies qui va œuvrer dans le plan Nord. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Le Québec a aussi versé 500 millions à Investissement Québec. 500 millions, là, quand ils font des profits de plusieurs milliards. Québec a aussi versé 500 millions à Investissement Québec pour qu'elle devienne partenaire ou actionnaire d'autres projets, d'autres minières. Donc, là, il dit, est-ce qu'on veut vraiment posséder plus d'actions, posséder plus de parts dans les minières alors que c'est une entreprise, une industrie à si haut risque? Puis, il dit finalement, et ça, c'est drôle parce que le dernier point, le seul sur lequel j'ai déjà une réponse, il dit... En plus, pour la construction des routes, oui, c'est vrai que pour aller à pour que la minière accède à son point de mine, on va faire une route qui coûte 332 millions et la minière ne va payer que 44 millions là-dessus. Tout le reste, c'est-à-dire près de 300 millions, c'est les Québécois qui vont le payer. Et beaucoup de... Ben justement, Jacques Parizeau disait c'est n'importe quoi. Là, on est vraiment en train de déballer le tapis rouge devant les minières. Ça va nous coûter plus cher que ça va nous rapporter. Et lui, il dit... Mais non, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir accéder au nouveau parc national Albanel-Témiscamie-Otiche. Et vous allez pouvoir, de toute façon, la route qui va mener là, la route 167, fait l'unanimité dans la région. Et le lendemain, une entreprise CRI, qui vient de déposer une demande d'injonction, disait, cette route-là, c'est n'importe quoi. Nous, on vit sur cette route-là, dans la paix des braves avec le gouvernement du Québec, que les CRI ont fait avec une entente entre les CRI et le gouvernement du Québec, historique. Ça disait... Le Québec doit promouvoir les entreprises CRI dès qu'elles se présentent. C'est une obligation. Il doit favoriser l'émergence d'une expertise CRI sous toutes ses formes. Et là, il y a une entreprise CRI qui dit « Moi, la route, je vais la faire. » Et le gouvernement du Québec, le gouvernement Charest, dit « Non, non, non, moi, je fais un appel d'offres public puis je vais donner ça à... » On ne sait pas qui encore, mais très probablement des gens qui sont proches du gouvernement Charest. Ah ben oui. Donc, fait que l'entreprise CRI vient de demander une injonction à la Cour. On va savoir bientôt si cette injonction-là est accordée. Espérons-le. Ben, espérons-le. Puis, finalement, André Pat n'a pas du tout raison. La route 167 ne fait pas du tout l'unanimité dans la région. Pour ce qui est des autres affaires, si c'est vrai que, dans le fond, ce qu'on reçoit des minières, ça ressemble à ce qui se passe ailleurs dans le monde, puis qu'on possède quelques actions dans les minières, donc nous aussi, on va recevoir un peu d'argent. Hugo Lapointe va nous répondre à ça après la pause. Effectivement, écoute, je comprends bien, Catherine, c'est que ça va coûter 400 millions au gouvernement québécois pour construire une route. Un peu moins de 300 millions. Et cette mine-là, ce que j'ai hâte de voir, combien elle va rapporter en dividendes. Parce que tu savais que, écoute, là, il faudrait se faire expliquer ça par d'autres personnes, mais quand une compagnie a plus que deux mines, ça va, si les dividendes qu'elle va renvoyer au gouvernement du Québec sont calculés en fonction de la mine qui rapporte le moins. On se comprend-tu? Oui. C'est-à-dire que la mine qui rapporte le plus... envoie pas de dividendes, en fait, au gouvernement du Québec. C'est vraiment, c'est calculer les dividendes. Le pourcentage. Selon celle qui rapporte le moins. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? C'est comme ça. Bon. Voilà. Alors, petite pause pub là-dessus, mesdames et messieurs. Le temps de vous remettre vos émotions. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimés, qu'on ne contribue pas à trop à votre blues automnale. On va le combattre tout de suite après la pause parce qu'il y a des gens qui s'insurgent et qui travaillent fort et qui apportent des actions positives. Et puis, ben, dans le bloc musical, tout de suite après les publicités, on va entendre Alex Nevsky et Edgar Borie. C'est le temps de mettre un chandail de laine. C'est le temps de mettre un chandail d'alpaca. À Québec, nous sommes chanceux. À la boutique Alpaca, 275 rue de la Couronne, nous avons la meilleure sélection de tricots d'alpaca, sûrement au Canada, peut-être au monde. 50 familles au Pérou tricotent les meilleurs chandails, toutes couleurs mitaines, dans le meilleur alpaca, pensant toujours aux besoins du Québec. Boutique Alpaca, 275 rue de la Couronne, à 4 points de rue de la bibliothèque Gabriel-Leroy, 418-522-2772. La tabagie Saint-Jean fait aujourd'hui figure d'institution. Revues, magazines, commodités en tout genre incluant bière, vin, café, choix de viennoiserie et autres sucreries. La tabagie Saint-Jean, 620 rue Saint-Jean, 418-522-5923 pour les livraisons en semaine. Venez aussi découvrir en exclusivité le système électronique HB Smoke et rendez-vous sur tabagiesaintjean.com. La tabagie Saint-Jean, connaît le tabac. Explosion imminent. Evacuate the facility immediately. Les jeudis soirs, écoutez CKRL, 18h30. Michel Drolet vous présente Mezzanine, les nouveautés du rock britannique actuel. Today's security code is En fait, Edgar Bory, qui nous envoie Geste de gestionnaire. Ensuite, ça, Crions ensemble d'Alex Nevsky pour débuter le bloc. Donc, voilà, après notre demi-heure éditoriale, on passe à la section Grandes Entrevues. C'était annoncé en début d'émission. Catherine, on se retrouve avec Hugo Lapointe. Bonjour, Hugo. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Oui, merci beaucoup d'être en onde avec nous. C'est très, très apprécié. Alors, Catherine, je te cède la parole pour diriger l'entrevue à partir de maintenant. Donc, Hugo, vous êtes cofondateur et porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, puis on vous entend un peu partout dans les médias pour parler de tout ce qui a rapport aux mines au Québec et des intérêts de la population québécoise dans ces mines-là qui sont plutôt mal défendus. Oui. Je me demandais, il y a deux affaires dont je veux vous parler aujourd'hui. Fait que tout à l'heure, je vous demanderai ce qui s'est passé hier. Je sais que vous avez été sur une entreprise pour demander à la SQ vous avez fait une manifestation hier par rapport à... Vous vouliez demander à l'escouade Marteau par rapport au vol du siècle? Ben, en fait, c'était la semaine dernière. Ah, c'était le dernier? Oui. mais j'ai vu aussi le reportage d'hier, mais c'était la semaine dernière. OK, bon, je vous en parlerai après. Mais enfin, en fait, c'était l'initiative de Maître Chino 21e siècle. Oui, c'est ça, c'est un organisme au Québec. C'est ça. Qui s'intéresse aux enjeux de propriété collective de nos ressources. C'est ça, on en parle dans une demi-heure. Fait que, ouais, c'est ça. J'avais cru comprendre que vous étiez, vous aviez participé à cette entreprise-là. J'y étais en solidarité, effectivement. C'est ça, c'est pour ça que je garde ça pour la fin. En tant que simple témoin, je vous demanderai ce qui en a été. Mais d'abord, par rapport à vos connaissances à vous, puis en fait, votre implication, je me demandais, on a beaucoup parlé du plan Nord à l'émission, puis je lisais cette semaine un éditorial de ce cher André Pratt qui nous disait que... les inquiétudes relatives au plan Nord étaient vraiment mal fondées. Et là, il se met à dire sur les trois principaux griefs que plusieurs personnalités, dont vous, j'imagine, avaient contre le plan Nord, il dit c'est pas vrai, vous inquiétez pour rien, on réalise que le Nord du Québec attire beaucoup d'entreprises et que l'optimisme exprimé dans le plan Nord n'est pas du tout excessif. Il dit, par exemple, les entreprises minières œuvrant au Québec sont soumises à des taux d'imposition comparables à ce qu'on trouve ailleurs dans le monde. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que oui, c'est vrai, mais c'est pas assez quand même? Ou est-ce que André Pratt dit n'importe quoi? Oui, c'est ça. Ben là, sur la seule question du partage de la richesse collective, dans le fond, c'est ça le débat. Et la redevance est un outil pour aller chercher une partie de cette richesse-là. Ouais. Ça, il y a plusieurs choses à répondre à ça. D'abord, un peu comme M. Yvan Allaire disait, Yvan Allaire, c'est un professeur au HEC, l'UQAM, c'est un ex-membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt, bon, quelqu'un qui évolue dans les milieux économiques, beaucoup du Québec, et politique aussi. Et il était au HEC, au colloque du HEC la semaine dernière. Il a fait une intervention fort éloquente en disant, écoutez, on n'est plus dans le même modèle de développement minier dans lequel on était il y a encore une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Et il faut voir les choses autrement à partir de maintenant. Et ça, l'appel qu'il faisait, c'était non seulement pour le Québec, mais pour l'ensemble des pays producteurs de ressources minières. Donc, c'était quoi Et ce qu'il dit, autrement dit, c'est que le régime de redevance qu'on applique au Québec, et qui, effectivement, peut être comparable à d'autres endroits au Canada, bien, il est désuet en fonction des nouvelles réalités d'aujourd'hui. Les réalités d'aujourd'hui, c'est que la planète... qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle est assoiffée de matières premières. Les grands marchés asiatiques, que sont la Chine, l'Inde, le Brésil, les grands pays émergents, comme l'Afrique du Sud et la Russie, et je pourrais en nommer d'autres, là, c'est qu'actuellement, on vit sur la planète, dans beaucoup d'endroits, une industrialisation puis une urbanisation majeure. C'est des grosses tendances mondiales. Qu'est-ce qui est nécessaire à cette urbanisation et à cette industrialisation-là? Ce sont des métaux comme le fer, comme le nickel, comme le zinc. Et ça, le Québec en regorge beaucoup. En fait, les principales productions minières au Québec, c'est ça, c'est le fer, le nickel et l'or. Mais l'or, c'est particulier. Je vais en revenir dans un instant. C'est un autre marché. Donc, dans ce contexte-là, l'offre ne suffit plus à la demande et on vit un boom minier historique, un boom minier qui perdure. Mondial, en fait, pas seulement au Québec. Là, c'est mondial. C'est mondial, c'est international. Et les entreprises minières génèrent des revenus et des profits records. Grâce à ce boom-là. Pardon? Grâce à ce boom-là, contrairement aux États. Oui, c'est ça, exactement. Et je prends par exemple les chefs de PricewaterhouseCoopers qui citent que les 40 plus grandes sociétés minières dans le monde ont vu leur revenu augmenter de plusieurs centaines de pourcents dans les 5 dernières années. C'est énorme. Et voir leur profit de plus de 1000% depuis 2003. C'est 10 fois leur profit. Non, attendez, ça veut dire que là, les industries minières ont en général fait 1000, ils ont augmenté leur profit de 1000% en 8 ans. En moins de 10 ans, exact. Les 40 plus grandes sociétés minières. Mais là, il y a plusieurs facteurs là-dedans. Mais un des facteurs déterminants, c'est la demande qui est très forte et l'offre qui ne suit pas. Et donc, les prix des métaux sont très élevés. Depuis 6-7 ans. Et donc, ça, c'est un facteur majeur. L'autre facteur, c'est que plusieurs de ces entreprises-là avalent d'autres entreprises. Donc, elles font l'acquisition, la fusion d'autres entreprises. Et donc, ça augmente un peu, si tu veux, leurs revenus globaux et leurs profits. Mais la réalité est que il y a des profits, il y a des revenus records. Et ça, sont propriétaires aussi des ressources, ben oui. De ces ressources-là. Et à quelque part, c'est un peu le message que Yvan Allard disait, nous aussi, on a droit à notre rente de propriétaire. Totalement. Et actuellement, le niveau qu'on va chercher, et je suis d'accord avec M. Allard, est nettement insuffisant. Mais qu'est-ce qui fait que les gouvernements excuse-moi l'anglicisme, mais ne bargainent pas bien? Je veux dire, quand on sait que quelqu'un a vraiment très besoin de notre bien, c'est nous qui avons le gros bout du bâton, puis là, on est correct pour négocier. Exactement. Qu'est-ce qui fait? Je suis content que vous le compreniez, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le gros bout du bâton. Non seulement la ressource, elle est ici, mais le Québec offre de très nombreux avantages aussi, même si on regarde par rapport à des voisins très proches comme l'Ontario, puis encore plus par rapport à des voisins comme en Afrique ou en Amérique latine, c'est qu'on a une main-d'œuvre qualifiée, reconnue mondialement, une expertise mondiale dans le domaine minier qui est déjà établie. Ça vaut très cher pour l'industrie. On a des infrastructures aussi qui sont somme toute très bien établies, une énergie qui est vraiment pas chère, même peut-être pas assez chère. On a de l'eau en abondance. De l'eau, c'est nécessaire dans ces grands projets-là. Vous ne pouvez pas savoir comment ça peut être compliqué parfois dans des régions arides de développer de tels projets. Donc, le Québec a plein d'atouts. Et donc, il faut arrêter d'avoir peur, de demander trop. Là. C'est parce que ça, à un moment donné, on est dans cette logique-là. Mais il faut aussi, c'est un peu l'appel que Yvan Allard disait. Non seulement il faisait l'appel pour le Québec, mais il disait aussi aux voisins ailleurs au Canada, changer de modèle. Là, oui. La donne a changé. Il faut revoir la façon dont on collecte notre part de la richesse collective là-dessus. Mais donc, est-ce que ça serait, excuse-moi Christian, est-ce que ça serait parce que les États eux-mêmes, que ce soit les provinces ou les États dans le monde, se font trop compétition, ils se font tellement compétition qu'ils n'osent pas demander plus parce qu'ils ont peur de perdre des entreprises, ou est-ce que c'est parce que les gouvernements sont tout simplement mal intentionnés parce qu'ils ont des conflits d'intérêts peut-être, ou je sais pas? Là, il n'y a pas de réponse facile à ça, mais moi, ce que je dirais, c'est que il y a une mauvaise compréhension de la situation actuelle, d'une part. D'autre part, effectivement, il y a une compétition qui est malsaine et qui est un race to the bottom et non oui. pas et non pas une réévaluation à la hausse là, tu sais, des conditions. Mm-hmm. Mais en même temps, on voit que la tendance est en train de changer. Parce que c'est pas juste au Québec qu'il y a des débats majeurs actuellement sur la question des redevances et la part de la richesse collective qu'on va chercher à partir de ces ressources non renouvelables. Ça se fait aussi, le débat se fait aussi ailleurs au Canada, en Saskatchewan, oui. Ça commence en Ontario, ailleurs sur la planète, en Australie, ça fait 2 ans qu'il y a des gros débats là-dessus. C'est une tendance généralisée mondiale aussi dans les grands pays miniers. Fait que ça, l'industrie le voit venir aussi, ça, ce tournant-là. Et c'est sûr qu'une compagnie qui va peut-être voir un peu ses profits diminuer, elle va pas tout simplement se croiser les doigts et regarder cet argent-là partir. Il faut comprendre qu'elles vont gueuler. Oui. Elles vont vous résister. C'est normal. Ça fait partie de leur ADN, de leur façon de fonctionner. Je veux dire, ils ont des intérêts à défendre. Mais nous, il faut défendre les nôtres aussi. Mais moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est que tout ça a bien du sens, mais en même temps, je me dis, bon, il faudrait peut-être qu'il y ait une espèce d'entente internationale où on fait une espèce de... on baisse pas en dessous de tel prix pour tel métal, mais est-ce que... je comprends pas pourquoi les gouvernements qui se sentent ou non contraints de donner ça pas cher, de vendre nos ressources pas chères, pourquoi est-ce que Jean Charest continue de dire, non, c'est très bien comme ça, franchement, c'est assez, puis que le gouvernement, en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas... Oui, mais en même temps, je vais vous poser la question. Pourquoi que ça a pris 3 ans avoir une commission d'enquête publique sur la construction? Ben ouais, c'est ça. Mais donc, ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être... Pourquoi ça serait louche, en fait. Pourquoi ça a pris presque un an, puis des milliers de personnes dans la rue avant d'avoir une évaluation environnementale sur les gaz de schiste, puis stopper la continuité du forage? Ouais. Parce qu'à un moment donné, on dirait que la seule chose qui fait bouger le gouvernement, c'est quand il y a des mobilisations majeures, puis quand on en parle constamment pendant des mois. Oui. Ben, c'est de la démocratie. Je vais encore une fois citer Michel Chartrand qui disait « La démocratie, c'est le pouvoir par et pour le peuple. C'est pas surveiller le pouvoir, c'est exercer le pouvoir. Oui. » Donc, c'est normal qu'une mobilisation des masses fasse bouger le gouvernement. Si ça marchait pas, on serait bien. Mais en même temps, moi, je rêve du jour où on a quand même un gouvernement qui peut jouer un rôle de leadership. Absolument. Mais moi, je rêve d'un jour où la population va arrêter de s'endormir en donnant le pouvoir entre les mains de quelqu'un. Voilà, le jour où la population va se secouer, va vraiment exercer le pouvoir comme elle doit l'exercer, les gouvernements vont suivre. Ça va de soi, en fait. Là. Bon, bref. bref. Moi, je pense que le gouvernement comprend les dynamiques actuelles. Comme M. Allaire, il disait, tu sais, regardez, je prends même le détail de la proposition de M. Allaire. En fait, ça n'affecterait pas. Ça serait tout à fait réaliste. Dans le fond, M. Allaire, il dit, écoutez, on laisse, mettons, un taux de rendement acceptable à l'entreprise qui est installée au Québec. Lui, le taux de rendement qu'il propose, c'était 30 %. C'est énorme, 30 %. Plutôt que 16 en ce moment. Non. C'est-à-dire un taux de rendement. Quand vous mettez une pièce dans votre compte d'épargne, ouais, vous avez un taux de rendement de 2 %. OK, c'est ça. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est laissons les entreprises qui viennent investir ici dans des projets, qui font des dépenses, tout ça, qui développent des projets, on leur laisse un taux de rendement de 30 %. Ah oui, OK. Et tout ce qui est au-dessus de 30 %, on le prend. Ah, oh, mon Dieu. Et donc, actuellement, quand vous parlez à des gens du milieu économique et que vous leur parlez des taux de rendement de 30 %, ils vont tous vous sauter dessus en voulant investir dans votre projet. Bien, c'est sûr. Il y a très peu de projets qui offrent des taux de rendement de 30 %, mais l'affaire, c'est qu'actuellement, il y a des grands projets miniers au Québec. Je pense, entre autres, au projet de Cisco en Arctique, je pense, entre autres, aux grandes mines de fer sur la Côte-Nord, qui offrent des taux de rendement phénoménal. Celui de Malartic, nous, on estime qu'actuellement, il est probablement autour de 60 % de taux de rendement. Wow. Et donc, à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas de raison de laisser filer la grande majorité de ces surprofits-là dans des poches d'actionnaires privés qui sont ailleurs dans le monde ou ailleurs au Canada, alors qu'on est copropriétaire de cette ressource-là et qu'elle ne reviendra plus. Ouais, et c'est que ça. C'est tout à fait raisonnable de leur laisser un taux de rendement de 30 %. Et s'ils ne sont pas contents, on va la développer nous-mêmes, la ressource. Ben voilà, c'est donc je comprends bien si, parce qu'on va parler tout à l'heure de Maître chez nous, 21e siècle, qui est pour une nationalisation des ressources naturelles. Donc, le gouvernement québécois pourrait, comme elle l'a fait avec Hydro-Québec, développer le réseau minier de façon nationale avec une société d'État. Donc, ça serait possible de faire, si on se fie à la tendance, de faire des profits, 1000% de profits, si j'ai bien compris vos propos, Hugo, c'est bien ça? C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on regarde le portrait global des mines actuellement au Québec, il y a à peu près 25 mines en opération. Il y en a là-dedans qui sont plus ou moins intéressantes d'un point de vue économique, d'un point de vue de performance, mais il y en a qui sont des grosses mines. Donc, une des propositions, nous, qu'on fait à Québec Meilleure Mine, qui va dans le sens de plusieurs autres, c'est de dire, bon, d'abord, bonifions le régime de redevance actuel, allons chercher un taux sur la valeur brute qu'on extrait du sous-sol. Actuellement, le problème, c'est que c'est sur les profits, puis il y a toutes sortes de déductions possibles. Oui. Et encore en 2010, il y a 10 entreprises sur 20 à peu près qui n'ont pas payé de redevances, même avec le nouveau régime de redevances. Ah oui, oui. Dans un contexte de prix des métaux très, très élevé. Bref, allons chercher notre part là-dessus. Le modèle australien, c'est 3 à 8 %Ça paraît pas énorme, 3 à 8 %mais déjà, on doublerait ce qu'on va chercher présentement. Donc, et deuxièmement, ciblons des projets stratégiques et payants et amenons le Québec à être copropriétaire. Ces projets-là. Mais c'est ça, je lis pour revenir à l'éditorial d'André Pratt, il dit, franchement, il n'y a pas de quoi s'en faire parce qu'Investissement Québec est déjà actionnaire à presque 40 % d'une des compagnies. Puis ouais, mais c'est ça, mais 500 millions. Il cite toujours la même parce qu'il y en a juste une. Oui, c'est ça, c'est Storn Away. C'est tout le temps la même. Mais il dit aussi, on va mettre 500 millions pour avoir d'autres parts, tu sais, dans le fond, pour être copropriétaire. Dans le fond, c'est un pas dans la bonne direction. Ça veut dire que ça démontre une ouverture. Ça veut dire que ça démontre que le gouvernement, il a commencé à comprendre que il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Le problème, c'est qu'il est double. C'est que 500 millions, c'est peu par rapport à des investissements attendus. Ben, comme là, cette année, il y a eu 3 milliards, l'année passée, 2 milliards. Donc, en 10 ans, on parle quelque chose comme de 15-20 milliards d'investissements en 10 ans. T'sais. Mais ça, c'est des investissements qui sont faits pour... Ça, c'est des investissements privés pour partir des nouvelles mines avec des taux de rendement souvent très élevés. Là, OK. 500 millions, c'est rien, là. 500 millions, là-dedans, c'est peu. C'est pas rien, mais c'est peu. Okay. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas une politique, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique solide là-dessus. Donc, on nous dit, on a 500 millions, OK, mais c'est quoi la politique, c'est quoi la stratégie? Oui, c'est ça, on a plus l'impression que c'est pour fournir un argument chaque fois qu'on se fait dire. Ça prendrait quand même un plan de match un peu plus détaillé, avec une équipe aussi assez outillée derrière, là. Investissement Québec, je veux bien, là, mais Je suis peut-être plus d'avis, comme Jacques Parizeau le disait, ou Yvan Allard, de dire, non, dotons-nous d'une société d'État avec une expertise forte là-dedans, là, renforçons notre expertise pour faire des choix éclairés. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu le problème. Et là, on nous cite l'exemple de Stornoway Diamond, dans lequel Québec a déjà l'équivalent de 37 % des actions en valeur, mais c'est le seul exemple qui nous cite. C'est pas mauvais en soi, là. Mais c'est le seul exemple qui nous cite. Oh, oui. Puis l'autre enjeu là-dedans aussi, et ça, Jacques Parizeau l'a très bien exprimé la semaine passée, il dit, ce qui est bien aussi, que quand tu as des gens de chez nous, de chez vous, qui siègent à des CA de ces compagnies-là, ben ils savent ce qui se passe, ils savent ce qu'ils se disent, oui. Ils savent les orientations, mettons qu'un projet ici, c'est quoi les tractations qui se font, mettons, avec le bureau maire de la multinationale qui est à Londres ou qui est en Australie. Ben oui, c'est ça. Au lieu que ça se passe dans des espèces de cercles qui sont un peu trop éloignés pour qu'on s'y intéresse. C'est ça. OK. Mais il n'y a pas de solution parfaite. Il y a toujours des avantages et des désavantages dans toutes les formules. Mais une chose qui est certaine, c'est que actuellement, on ne va pas chercher ce qu'on pourrait aller chercher. Bon, même Hugo Lapointe, merci beaucoup. Ça nous éclaire beaucoup. J'avais hâte d'avoir des réponses à cet éditorial d'André Pratt qui m'apparaissait un peu fallacieux, mais j'avais pas toutes les connaissances que vous avez pour vérifier si ça avait du bon sens. Fait que merci beaucoup pour votre présence à l'émission. Bien, merci à vous. Comme merci Hugo, puis bonne chance, bon courage pour la suite du combat, parce qu'il faut pas lâcher la patate, comme dit la vieille chanson. Donc, bien, merci beaucoup, à une prochaine, et puis on va se tenir au courant, n'est-ce pas? Oui. Au revoir, Hugo. Et bien, de notre côté, on va faire un petit bloc pub. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir dirigé cette entrevue. Et retour, on a Daniel Breton du mouvement Maître chez nous, 21e siècle, qui, la semaine passée, comme nous a dit Hugo, sont allés faire une demande très spéciale à la Sûreté du Québec. Pour qu'on arrête de se faire voler nos ressources naturelles. Et oui, qui propose vraiment un modèle très, très précis au niveau une réforme complète de l'administration des ressources naturelles. Maître chez nous, vous aurez reconnu l'ancien slogan de Jean Lesage dans les années 60, qui avait nationalisé l'électricité et qui a vraiment permis au Québec de se développer, d'entrer dans la modernité. Et bien, on propose la même chose du côté non seulement des mines, mais des forêts, tout ça. Donc, M. Breton, en retour de la pause, nous expliquera tout ça. Et voilà... Après un petit bloc pub, bloc musical, on va se rocker ça un peu avec Grim Skunk, le gouvernement songe, et aussi Jaune qui nous envoie La nature est en beau, joie le vert. Et il franchit le fil de pivot. Alex Charlot, champion du monde. Vous voyez utiliser l'opération des rouges, et vous vous entraînez pour devenir vrai accompagnateur. Dans les deux cas, vous êtes prêt à partir en champion. Venez me rejoindre sur opérationdesrouges.com et voyez comment notre engagement à tous est important. Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins Assurance Générale et de cette station. CKRL 89.1. En décembre, tout un programme à l'Ampli de Québec. Côté formation, stratégie et gestion d'un groupe underground avec François Deschamps et la formation française Tagada Jones. Composé et mixé avec Fruity Loops, avec Millimétrique. Côté festif, l'Ampli s'emballe avec les apéros REC dans le cadre de l'événement Relève en Capitale. En rafale, le foyer électrique le 1er décembre. Le champion de France de Human Beatbox, Beastie, le 3. Lancement d'album de Mélogramme, le 7. Et on slame avec Ivy pour l'émission L'Ampli rencontre à CKRL, le 8. Au final, une table ronde sur l'art de s'exporter, le 9 décembre. Les apéros REC à l'Ampli, c'est le rendez-vous pour les artistes, festivaliers et supporters de Relève en Capitale. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au Théâtre de la Mortée, 315 rue Saint-Joseph-Est, à la librairie Pantoute Vieux-Québec, 1100 rue Saint-Jean et Saint-Roch 286 rue Saint-Joseph-Est, et au Centre de Yoga de Québec, 1355 3e avenue Limoilou. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être pire. Thank you. Jean Chrétien. Puis, attends, mais là, j'ai pas fini mon speech, là. Regarde, là, c'est parce que là, il a décidé de prendre sa retraite. Puis, dans ses 12 ans de carrière de premier ministre, il disait toujours dans la voie de chip. Puis là, finalement, il prend sa retraite. Puis là, c'est avec la vérité. Je trouve ça pas un peu drôle, non? C'est étrange. C'est bizarre. C'est un quoi? C'est un trou de cul! Ça va être bon dans le passage. Hugo Lapointe, juste avant la pause, qui nous a parlé de son mouvement, de son groupe pour que le Québec ait meilleure mine. Et comme tu nous le disais, Catherine, ce groupe-là a participé en fait en appui avec un autre groupe qui s'appelle Maître chez nous, 21e siècle, au dépôt de en fait une action assez significative. Oui, en fait, ben on a avec nous Daniel Breton qui a fondé en 2005 le mouvement Maître chez nous, 21e siècle. Daniel Breton, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Donc, moi, j'ai vu que vous avez, la semaine passée, vous êtes allé voir la Sûreté du Québec pour exiger qu'un certain dossier soit pris en charge par la Squad Marteau. Et ce dossier-là concernait un vol du siècle. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi ce vol-là? En fait, c'est que pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre histoire énergétique, c'est qu'entre 44 et 69, on a fait un processus de nationalisation de notre énergie, pas seulement notre électricité. C'est-à-dire qu'en 1944, Adélard Godbout avait exproprié la Montréal Light and Power et fondé Hydro-Québec. Mm-hmm. En 1962, Jean Lesage avait fait une élection référendaire anticipée sur le thème spécifique de la nationalisation de l'électricité. Mais vous savez, quand on nationalise pas de l'énergie, on nationalise des entreprises. On achète des entreprises. Donc, ils demandaient aux Québécois, est-ce que je peux prendre votre argent pour qu'on achète des entreprises? Qui existaient déjà, puis qui exploitaient cette énergie-là. Exactement. Et là-dedans, il y avait, dans la Montréal Light and Power, il y avait de l'électricité et du gaz. En 62, il y avait de l'électricité, du gaz et du pétrole. En 69, c'est Daniel Johnson, qui était premier ministre du Québec, qui est mort avant que tout ça se finalise, mais que ça s'est réparé, qui a fondé la SOQIP, Société québécoise d'initiative pétrolière. C'est là qu'ils ont nationalisé tout ce qui restait qui n'avait pas été nationalisé, c'est-à-dire les droits d'exploration, d'exploitation de gaz et de pétrole pour le Québec. OK. En fait, c'était tout ce qui n'existait pas déjà, mais qui était pour un développement ultérieur de gaz et de pétrole, c'est-à-dire rechercher, voir s'il y en a, puis l'exploiter si on en trouve. Exactement. Okay. Et ça appartenait à des compagnies comme Shell, ça appartenait à différentes compagnies. OK? OK. Hydro-Québec en détenait déjà en 62. Donc, rendu là, comme on est passé à travers ce processus-là, et que dans le processus, il y a un moment dans l'histoire qui n'est pas arrivé avant, qui n'est pas arrivé après, on va faire un référendum pour dire, voulez-vous qu'on nationalise votre énergie, donc on prend votre argent pour devenir propriétaire de ça, ben là, le caractère de ça devient pas mal plus sérieux, pas mal plus important. Comprenez? Ben oui, c'est ça, il y a le saut démocratique là-dessus est clair. Bon. Donc, là, arrive 1996, quand M. Henri Cailly arrive à la tête d'Hydro-Québec, lui décide de mettre sur pied Hydro-Québec Gaz et Pétrole, une nouvelle division d'Hydro-Québec, et là, eux vont récupérer à peu près tout ce qui est dans la SOQIP, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer les droits d'exploration et d'exploitation de gaz et de pétrole, ils amènent ça à Hydro-Québec Gaz et Pétrole, et là, ils se mettent à faire justement des recherches pour voir s'il y a du potentiel dans les hydrocarbures au Québec. 11 janvier 2004, c'est l'émission Découverte qui dit, et je cite, que Hydro-Québec a décidé de se lancer dans l'exploitation de gaz et de pétrole parce qu'ils ont trouvé des gisements intéressants, entre autres sur l'île d'Anticosti. Là, évidemment, on ne parle pas de la question écologique, on parle de la question économique. OK? Oui. Donc, nous, on arrive, puis on suit ça au fil des ans, puis à un moment donné, quand M. Charest est au pouvoir, qu'est-ce qu'on voit? Il démantèle la division gaz et pétrole. D'Hydro-Québec, c'est-à-dire la SOQIP qui avait été transférée à Hydro-Québec. C'est ça. Et là, on décide de céder tout ça au privé. Puis là, le prétexte, c'est on n'a jamais rien fait avec ça, on n'a pas découvert de jugement important, donc on donne ça aux gens du privé pour voir si eux autres sont capables d'en faire quelque chose. Sauf que là, le problème, c'est que c'est marqué en toute lettre dans l'émission Découverte qu'il y avait découvert un potentiel. Puis ils ont dit qu'il était pour exploiter. Oui. Il y en avait d'ailleurs trouvé, vous dites, à l'île d'Anticosti? Oui, exactement. Mais est-ce qu'il il a vendu des droits d'exploration, d'exploitation, ou il les a simplement transférés? Ben, en fait, il les a cédés, entre autres, à Petrolia, okay. Sur l'Anticosti. Et là, nous, écoutez, on a dit, il y a plusieurs problèmes avec ce dossier-là. Un, de quel droit est-ce qu'ils ont cédé sans demander la permission québécoise? Parce que, je veux dire, eux sont les fiduciaires de ce qui nous appartient. Mais c'est pas eux autres qui ont la décision de se départir de ça. Tu sais, si moi je te dis, toi comme fiduciaire, tu dois entretenir, par exemple, mon condo, OK? Puis là, moi, tu m'arrives, tu dis, bon, ben, je l'ai vendu, mais sois content, tu vas avoir un loyer. Ouais. C'est un peu, là. C'est pas ta décision à vendre. C'est notre décision si on veut s'en départir. Ce que le sage a fait, ça fait en sorte que nous avons dit, nous voulons être propriétaires de notre énergie. Donc, toi, ta job, c'est d'en prendre soin, c'est pas de t'en débarrasser. Oui. Et ensuite de ça, quand on demande de voir quels sont les tenants et aboutissants, c'est quoi le contrat qui est entre Hydro-Québec et Petrolia, entre autres, OK? Donc, le contrat qui concerne justement la cession des droits d'exploration et d'exploitation. Sur l'identification. Ils refusent de nous montrer le détail du contrat. Ils refusent de nous montrer le contrat. Mais il n'y a pas une loi qui devrait les obliger à nous le montrer? Oui, la loi d'accès à l'information. Et ils refusent de se soumettre à la loi d'accès à l'information. Et pourquoi on ne les traîne pas en cours? Ben, qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, il y a des journalistes, OK, qui ont demandé à voir ce contrat-là. Il y a Nathalie Normando, il y a à peu près 9 ou 10 mois, qui a dit « Je m'engage publiquement à rendre public le contrat entre Hydro-Québec et Petrolia. » Parce que là, on sait absolument rien sur ce contrat-là. On ne sait pas combien ça coûte à Petrolia. Zéro. On ne sait même pas c'est quoi quel droit exactement ça leur donne, jusqu'à combien, jusqu'à où. On ne sait rien. Okay. Là, les élus ont demandé à avoir ces contrats-là. Je parle des élus, que ce soit de l'ADQ, du PQ, que ce soit de Québec solidaire. Ils refusent de donner les détails du contrat. La ministre des Ressources naturelles a dit « On va vous montrer le contrat. » Ils ne nous l'ont pas montré. Les journalistes demandent d'avoir la teneur du contrat. Ils ne nous l'ont pas montré. Puis là, écoutez, il y a M. Duchesneau qui a dit « Ça va prendre une enquête sur Hydro-Québec parce qu'il y a des choses graves qui se passent. » Mais là, une fois qu'on est passé par tout ça, qu'est-ce qui nous reste comme alternative? D'aller à la police. D'aller à la police, ou est-ce qu'on pourrait pas, en vertu de la loi d'accès à l'information... Parce que là, en vertu de la loi d'accès à l'information, ils nous disent « Allez contester ». Parce que nous, on a demandé à voir qu'est-ce qui est arrivé comme contrat, qu'est-ce qu'il y avait eu comme redevance. Ouais. Dans le dossier minier, pétrolier et gazier depuis 2000, on a demandé ça au ministère des Finances, ministère des Ressources naturelles, Hydro-Québec, Investissement Québec. Ils ont tous refusé de nous répondre. Sous quel prétexte? Le MRNF n'a rien répondu, donc lui-même, il est illégal. Donc, c'est quoi leur prétexte pour ne pas vous donner l'information? Parce qu'il y a un show de confidentialité avec qui concerne des ententes avec des entreprises privées. Sauf que je m'excuse, là, mais le contrat préalable avant de signer un contrat avec ces entreprises-là, c'est le contrat qui était passé avec le Peuple du Québec. Oui. Mais est-ce que la loi d'accès à l'information prévoit que oui, c'est correct si c'est avec une entreprise privée, donc ils ont le droit de rien divulguer, ou c'est n'importe quoi? C'est n'importe quoi. Et c'est pour ça, justement, que nous, on va aller porter plainte, c'est-à-dire que là, on s'en va contester ça devant un juge. Ah, c'est pas... En vertu de la loi d'accès à l'information. Okay. Et c'est aussi pourquoi on a porté plainte à la SQ, parce qu'on dit, écoutez, quand on dit qu'un gouvernement décide de nous déposséder, OK, d'une seule... On va commencer par le seul contrat pétrolier, là, qu'on a évalué à 3 000 milliards de dollars, le gisement. OK? Puis ça, vous avez évalué ça d'après quoi? C'est pas nous qui avons évalué ça. C'est une firme spécialisée à l'évaluation pétrolière et gazière de firmes étrangères. OK. Donc, là, juste pour être sûr qu'on comprenne bien, là, Hydro-Québec aurait, donc, en tant qu'entreprise nationalisée, là, aurait... Société d'État public. C'est ça, c'est... Société du fiable de notre bien. C'est ça. Aurait trouvé, pendant que on avait encore les droits d'exploration, d'exploitation, ouais, aurait trouvé sur l'île d'Anticosti quelque chose un gisement de 3 000 milliards de dollars de ressources, et après l'avoir trouvé, aurait cédé les droits d'exploitation à une compagnie qui aurait eu 0 cent à mettre pour l'exploration. En fait, on ne sait pas combien ils ont mis parce qu'ils ne veulent pas nous montrer le contrat. OK. Mais à partir du moment, parce que vous savez, la notion de vol, c'est très simple. C'est que la personne peut faire, une personne ou une entreprise peut, par la force, c'est pas le cas, ou encore, en se cachant, te dérober de ton bien. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas voulu nous dire, eux autres, qu'ils démantelaient Hydro-Québec Gaz et Pétrole. Ils n'ont jamais averti les Québécois. Écoutez, on se débarrasse d'Hydro-Québec Gaz et Pétrole. On cède nos droits qui appartiennent à tous les Québécois. Parce que s'il avait demandé la permission, est-ce qu'on peut privatiser? Je pensais bien qu'il y aurait eu un débat. Ben oui, il y aurait eu un débat. Parce que regardez ce qui est arrivé l'été dernier avec les gaz de schiste un peu partout. Ça arrive sud du Québec. OK? Les gens ont découvert tout à coup, là, qu'il y a une compagnie qui débarquait chez eux, commençait à installer sa machinerie, puis disait, bon, on s'en vient ici, on va commencer à faire des trous pour voir s'il y a du gaz de schiste dans votre. Puis là, les maires sont au courant de rien. Les citoyens sont au courant de rien, les agriculteurs sont au courant de rien. Puis là, ils découvrent, encore pire que ça, qu'il n'y avait même pas à être averti en vertu de la loi des mines, et que s'ils découvrent de quoi et que les personnes ne veulent pas partir, on peut les exproprier. C'est toute cette faute. folie-là dans laquelle on est présentement. Puis là, on parlait de Mme Nathalie Normandeau tout à l'heure, qui, à un moment donné, a sorti en disant, elle a fait une sortie, je me souviens bien, en disant que non, c'est pas vrai que le gouvernement libéral va rembourser Petrolia pour ses recherches qu'ils ont faites sur l'île d'Anticosti. Et quelques semaines plus tard, elle démissionnait de son poste. Alors, c'est drôle, hein? Une sortie contre Petrolia pour, on dirait, acheter du temps avec la population. Là, après ça, elle cède son siège, elle s'en va complètement du gouvernement et elle disparaît dans la brume. C'est un peu particulier comme situation. Très particulier. Et puis, oubliez pas une chose, cette femme-là sort avec l'ancien directeur de la police de Montréal. Donc, ah bon. Là, il y a des choses là-dedans qui sont vraiment, vraiment, vraiment très louches. Écoutez, hier encore, la DQ a demandé à ce que le vérificateur général aille voir les lits d'Hydro-Québec, le gouvernement a encore refusé. Fait que, il y a quelque chose qui est en train de se passer à la direction d'Hydro-Québec avec le gouvernement, où ces gens-là, c'est très clair qu'ils agissent contre l'intérêt public. Et c'est quoi leur prétexte? Qu'est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'ils daignent donner un prétexte ou ils veulent juste... Écoutez, quand je vous dis que la MRNF est en infraction avec la loi, parce qu'eux ne nous ont même pas répondu. Ah oui? Oui, c'est là, ça va jusque-là. Mais il y a même pas, ils disent même pas, je veux dire, dans le fond, ils comptent seulement sur le fait que ça intéressera pas assez les gens pour que le débat grossisse. Ben, si, exactement, ils se cachent. Puis moi, ça fait des années qu'on travaille sur ces dossiers-là, notre gang. Écoutez, il y a au sein de notre groupe des anciens scientifiques d'Hydro-Québec, il y a des anciens sous-ministres, on a des ingénieurs, des scientifiques, des économistes. On est tous là pour dire, écoutez, il y a tel problème, tel... On a une panoplie de problèmes très sérieux avec la gestion d'Hydro-Québec actuellement, où on voit très clairement qui ne travaillent pas dans l'intérêt public du Québec, qui ne travaillent pas de telle façon à augmenter, comment dirais-je, les profits, puis à augmenter les actifs d'Hydro-Québec. Je vais vous donner juste un petit exemple. Il y a 2 ans, en douce, OK? Qu'est-ce que la direction d'Hydro-Québec a fait? Ils ont décidé de prolonger la période, la période d'amortissement. La période d'amortissement des infrastructures d'Hydro-Québec de 50 ans à 100 ans. Ça veut dire quoi, ça, la période d'amortissement? Ça veut dire que tu construis un barrage hydroélectrique. Tu dis le temps que je le finance, qu'il soit amorti. Ah oui, OK. OK? Le temps que je rentre dans mon argent. Que je paye, ça va prendre 50 ans. OK. Tout à coup, il y a 2 ans, ils ont prolongé ça à 100 ans. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que ça a comme effet? Ce que ça a comme effet, c'est que, un, à court terme, tu augmentes tes profits. Absolument. Mais aussi, à court terme, la question à laquelle on va avoir une réponse, à laquelle on nous refuse une réponse, est-ce que ça augmente aussi les bonnies des dirigeants? Ça m'étonnerait pas, en tout cas. Ça m'étonnerait pas du tout, mais ça, on ne veut pas nous répondre. Mais là, on a commencé à regarder à travers le monde. Quelle est la période d'amortissement des grands barrages hydroélectriques un peu partout? Et ça se promène entre 15 et 60 ans. Nulle part, on a vu 100 ans. Est-ce qu'on est en train de devenir une espèce de république africaine qui cède à peu près n'importe quoi pour le bien-être de ses seuls dirigeants? Une république de bananes, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Moi, je nous ai appelé une république de sapins. Parce que ça vaut plus pour Québec, mais on devrait s'en faire passer tout un sapin. Voilà une réplique de cocotte. Mais moi, je me demande un peu comment vous avez fait. Parce que là, vous dites que ça s'est passé en douce, puis on ne veut pas avoir aucune information là-dessus. Comment on est arrivé à voir que cette transaction-là avait eu lieu? Comment on est arrivé à voir, dans le fond, que la SOQIP, qui appartenait aux Québécois par la suite d'une élection référendaire, c'était super démocratique que ça nous appartienne, et qui avait été transférée à Hydro-Québec, ça a été transféré à une compagnie privée. À notre insu, comment c'est sorti? Comment vous avez su ça? Bien, ça, c'est parce que au fil des nombreuses recherches, au fil des articles de certains journalistes, tu vois passer des petits éléments d'information, puis à un moment donné, tu te mets à attacher les morceaux ensemble, et c'est là que tu découvres le pot aux roses. Tu sais, je vais vous donner un autre exemple. Il y a une chose qui va sortir bientôt dans les médias, la reconstruction de la centrale de Gentilly 2, OK? Oui. Mais là, il va y avoir une conférence de presse demain. Il y a des gens qui vont dire, bon, mais là, vous savez, si on ne fait pas la reconstruction de la centrale nucléaire de Gentilly 2, c'est 800 emplois qu'on perd, puis c'est des investissements au Québec. Mais là, tout à coup, on s'est mis à regarder les chiffres, puis ils disent 1,9 milliard. Ça, c'est le chiffre officiel, mais en fait, ça va coûter beaucoup plus. C'est certain que ça va dépasser pour être le trou démontré. Ouais. Mais là, ils disent, bon, mais là, si jamais on fait ça, ça va donner 600 millions d'emplois, de revenus, de développement économique, de retombées économiques aux Québécois. Là, à un moment donné, je dis, donc ça veut dire qu'il y a 1,3 milliard de revenus et de retombées économiques qui vont être faits à l'extérieur du Québec. Mais ça, ils ne disent pas. Mais non. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que si on fait le démantèlement de la centrale, il va y avoir plus de retombées économiques que sur la garde ouverte. Comment ça? Ben, ça, c'est dans les papiers d'analyse de 2004-2005. Dans les coûts de démantèlement et des coûts de réfection des centrales Leur seul argument, dans le fond, c'est on crée des jobs, puis dans le fond, ils en créeraient plus en la démantelant. Oui. Bon. Puis là, écoutez bien. Mais à qui ça profite? Pourquoi ils prennent ces décisions-là, je veux dire, en tant que représentant? Vous allez comprendre. Je vous écoute. À la fin juin de cette année, OK, il y a eu une transaction importante qui a été faite où la majeure partie d'Énergie Atomique Canada Limitée, qui appartenait au gouvernement canadien, a été vendue, OK? Puis écoutez, comme contribuable canadien aussi, là, oui. Nous, on avait un gouvernement fédéral, le gouvernement conservateur, qui avait mis plus de 3 milliards de dollars dans les dernières années pour essayer de revamper un peu Énergie Atomique Canada Limitée. Fin juin, ce 3 milliards-là qui a été investi, là, ça a été tellement payant parce qu'on a vendu ça pour 15 millions à SNC-Lavalin. Mon Dieu. SNC-Lavalin, que j'ai rencontré il y a 2 ans, OK, dans le cadre d'un colloque, eux autres, ils disaient, vous savez, il faut garder la centrale nucléaire de Gentilly 2 ouverte parce que c'est 800 emplois qui ont un avenir, il faut garder cette expertise-là. SNC-Lavalin achète pour 15 millions Énergie Atomique Canada Limitée et 12 heures après, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, qui est une division du gouvernement canadien pour la sûreté des centrales nucléaires, 12 heures après, ils annoncent qu'ils donnent l'autorisation pour la reconstruction de la centrale de Gentilly 2, comme par hasard. Ils disent 12 heures après, mais avec en bas de la page, c'est marqué, même si en vertu du règlement, OK, qui oblige la société Hydro-Québec à nous donner tous les documents nécessaires à la sécurité pour qu'on puisse prendre nos décisions, on donne l'autorisation pareil, même sans les appuis de documents. Et là, ils donnent jusqu'à la fin de cette année pour les rendre publics, les documents. Mais écoutez, c'est SNC-Lavalin, mesdames et messieurs, c'est aussi des fabricants d'armes qui font entre autres des obus et tout ça. Je veux dire, j'ai déjà travaillé en compagnie de SNC-Lavalin pour et tout autre chose. Et on connaît la politique du gouvernement Harper pour ce qui est de la militarisation du Canada et tout ça. Donc tout ça se tient. Et on se rappelle qu'André Caillé, on en a parlé tout à l'heure, c'est lui qui s'est présenté avec Lucien Bouchard à l'époque pour la crise du verglas. Et on se rend compte qu'André Caillé, qui est anciennement, ce qui est toujours Hydro-Québec, M. Caillé, présentement, ou... Non, M. Caillé, ben non. Non, c'est ça, il est rendu... M. Caillé, il est parti d'Hydro-Québec en 2005, au moment où on démantelait Hydro-Québec gaz et pétrole, et là, comme par hasard, il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé à Junex. Junex, qui est une entreprise d'extraction de gaz. Québec. C'est ça. Et okay, qui est un lobby aussi très fort pour les gaz de schiste. Puis là, quand le débat des gaz de schiste a été lancé, qui ont fondé l'Association pétrolière du pétrole et du gaz du Québec, qui est devenu président? André Caillé. Et Lucien Bouchard. Il a été remplacé par qui récemment? Lucien Bouchard. Seigneur, c'est formidable. Mais là, donc, si on essaie de simplifier un peu, qu'on se lève au-dessus de la carte du Québec, là, est-ce qu'on voit deux intérêts qui s'opposent, c'est-à-dire une gang de gens qui sont bien placés, qui ont les bons contacts à la fois au gouvernement et dans Hydro-Québec et dans des compagnies d'extraction de ressources naturelles pour faire de l'argent avec les ressources du Québec sans aucune autre considération que de faire de l'argent? Et de l'autre côté, le peuple québécois qui n'est pas trop courant de ce qui se passe puis qui voit ses intérêts bafoués par le fait que soit il ne se défend pas assez ou bien que ses adversaires sont un peu trop forts ou, moins branchés, mettons. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Quand on a commencé à avertir les Québécois de nombreux aspects très douteux du dossier de l'énergie au Québec, je vais vous le dire exactement comme ça, il y a plusieurs journalistes qui nous prenaient pour des illuminés, OK? Des illuminés ou des petits frustrés? Non, des illuminés. Okay. Ces gens-là, là, ils fabulent. Là, ils voient des complots. Là, OK. T'sais? Puis là, tout à coup, sort le dossier des gaz de schiste. Et là, tout ce qu'on est en train de dire depuis une couple d'années, ça sort au grand jour. Oui. Là, les journalistes, là, des chefs d'antenne là, de médias nationaux, là, disent « On prenait des illuminés, mais finalement, vous aviez raison tout le monde. » Ben oui. T'sais? Ben là, les gens, on leur dit maintenant, c'est pas fini. Il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Et le dossier de la dépossession des ressources naturelles du Québec... OK? Mais spécialement le dossier de dépossession énergétique au Québec, c'est un dossier qui est fondamental pour l'avenir économique, puis pour l'avenir écologique et pour l'avenir démocratique du Québec. Et ce que j'ai dit, et ce que tous les gens au sein du groupe Machinot 21e siècle ont dit, si le peuple du Québec ne reprend pas le contrôle de son énergie, OK? Ben, on n'aura pas le contrôle de notre destin. Quand tu ne contrôles pas ton énergie, il n'y a rien de plus fondamental dans une société que l'énergie. Si tu ne contrôles pas ton énergie, tu ne contrôles pas ton destin. Donc, nous, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, je vais vous donner un exemple. En France, il y avait une société qui s'appelait Elf Aquitaine, qui était la société nationalisée d'hydrocarbures en France, société de pétrole. Cette société-là a été impliquée dans un scandale. Là, ils ont refondé la société qui s'appelait Elf Total, qui est devenue Total. Total, totalement privatisée. Mm-hmm. La société Total, totalement privatisée, savez-vous combien elle a payé d'impôts à l'État français en 2009 et 2010? Puis là, gardez en tête que c'est la société qui a fait le plus de profits en France, la société française qui a fait le plus de profits en 2009 et en 2010 de toutes les sociétés françaises. Ils ont payé zéro cent. Mm. Fait que si on... C'est une tendance mondiale, en fait, là. C'est une tendance pas mondiale. C'est une tendance qu'on voit dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays occidentaux, sauf quelques pays comme la Norvège, comme la Suède, où ils préservent leurs actifs parce que c'est ça, leur richesse. Oui. Donc, si on fait en sorte de se laisser aller là-dedans, si vous pensez que présentement, là, ça nous coûte cher parce qu'on fait pas assez de revenus, imaginez si on commence à démanteler Hydro-Québec morceau par petit bout, là. Oui. Qu'est-ce qui va nous rester? Puis là, après ça, le gouvernement va se revirer puis va dire, écoutez, faut augmenter les impôts, faut augmenter les taxes, faut augmenter la TPS. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de revenus. Puis là, on va dire, attendez un peu, là. Finalement, c'est les Québécois qui vont payer parce qu'ils n'ont pas été assez vigilants. C'est clair. C'est très clair que c'est les Québécois qui vont payer parce qu'on va s'être fait flouer de milliers de milliards de dollars. Donc là, juste aller de l'Anticosti, là, donc c'est votre vol du siècle, c'est le 3 000 milliards de dollars Là, je compte pas Old Harry, je compte pas le développement aérien, je compte pas tout ce qui a trait avec notre énergie. Bon, ben, on espère que les gens vont recevoir ce message-là, puis qu'on va se solidariser autour de ce message-là, puis j'espère que j'ai hâte de voir la réponse de la SQ par rapport à ça. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. J'aurais eu bien d'autres questions à vous poser, mais restez en contact avec ce qui se passe. Nos auditeurs, vous pouvez mettre chez nous 21e siècle. Il y a plein de ressources sur Internet. Merci beaucoup, Daniel Breton, d'avoir été parmi nous. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, M. Breton. Bon, alors, Daniel Breton de Maître chez nous, 21e siècle plutôt, qui nous expliquait pourquoi ils avaient porté plainte pour ce vol du siècle perpétré par le gouvernement Charest. On attend la réponse de la SQ. Ils sont allés porter plainte formellement. On va savoir ce qui va se passer bientôt. Puis restez. C'est sûr que certains médias vont peut-être pas mettre ça en première page. Vous, partagez la nouvelle quand vous en entendez parler. C'est extrêmement important ce qui est en train de se passer par rapport à tout le dossier des ressources naturelles au sens large au Québec. C'est hallucinant, hein? On voit beaucoup de films qui nous montrent des fois des machinations, des groupes là qui s'unissent là, qui contrôlent les gouvernements et tout ça, et on est en plein là-dedans. Ouais. On est en plein là-dedans, je veux dire, tout ce qui peut être imaginé peut exister, disait Picasso. Alors voilà, je pense qu'on nage en plein. Mais avec un peu de conscience, on va être capable de faire face à ça. Et voilà, il y a bien des soulèvements qui ont renversé des pouvoirs. On l'a vu même en début d'année 2011, c'est pas si loin dans notre imaginaire. Donc, mesdames, messieurs, bloc pub, au retour, toujours en musique. On va entendre le roi du Nord de Curé Labelle et Kid Kuna, le Labrador. Et on revient avec un dossier un peu plus local. Il y a un dossier qui est apparu dans les pages du Soleil il y a quelques temps. Ça nous parle des itinérants, entre autres, et de la juridicisation. Hey, mon Dieu, j'aime bien ce mot-là. Avec judiciarisation. Merci, Catherine. Faut juste le dire lentement. T'as bien raison. Je parle vite, hein. Alors, on va parler de ça avec deux intervenants qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Pour l'instant, bloc pub. Et il franchit le fil de pivot. Alex Charbeau, champion du monde. Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins Assurance Générale et de cette station. CKRL 89.1. En collaboration avec Relève en Capital et l'Ampli de Québec, le collectif Mélogramme lance son nouveau EP, La Salle d'attente. Riche de ses expériences festives aux quatre coins du Québec et à l'international, la formation propose quatre nouveaux titres et un style redéfini, du gypsy rock à la sauce métal. Rendez-vous le mercredi 7 décembre 2011 à l'Ampli de Québec en formule 5 à 7. Entrée libre. Mélogramme, également en spectacle à tous les troisièmes dimanches du mois au dimanche festif de la Ninkasi et le 10 décembre au festival Relève en Capitale au concert patiné de la place Diouville. Informations sur mélogramme.com. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui, c'est l'opineur du chef. Les jeudis soirs, 20h, Denis Barry. 33, 41, 18. Press the button.

chers amis, pour terminer, je me dois de vous dire la vérité. J'ai jamais mis un pied là-bas, je me suis juste dit que ça devait être comme ça. Peut-être bien que c'est ça, les pics, ça pue, comme à Montréal, comme dans mon cul. Mais ça, ça me surprendrait bien gros, le fret, ça fait peur aux robots. Tu vois pas de police dans le Labrador, ça introduit très bien la suite de notre émission. Alors, on vient d'entendre Kid Kuna, le Labrador. Eh bien, mesdames et messieurs, après avoir parlé de sujets un peu plus de sujets plus provinciaux, si on voulait, à la grandeur du Québec, on va revenir à un sujet plus local, la ville de Québec. Eh bien, on reçoit en studio le tout premier invité, en fait, Maxime, tu es la première personne qu'on reçoit pour la deuxième fois. OK. Alors, félicitations. Mais je me sais qu'il avait souligné, tout le monde en parle. Et ben, je le souligne aussi. C'est le premier qui vient pour qui en est à sa deuxième présence. Merci. Donc, Maxime, qui est du Trip Jeunesse Beauport, travailleur de rue. On en a parlé, on l'avait reçu il y a quelques semaines pour parler de tracer un portrait un peu de la délinquance qu'on retrouve dans les rues de Québec. Et ben là, il est accompagné par Frédéric Keck, qui est du RAIC, donc le regroupement d'aide aux itinérants et aux itinérantes de Québec. Bonjour messieurs, ça va bien? Oui, bonjour, bonjour. Alors, écoutez, il y a un dossier, voilà, qui a fait la manchette dans le Journal du Soleil il y a quelques semaines. C'est une recherche qui a été financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et voilà, qui était d'appréhender la pratique de judiciarisation, voilà, des populations itinérantes dans Merci, Catherine. Dans différentes villes canadiennes, alors Halifax, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg et Vancouver. Et c'est de montrer la documentation, à savoir, grosso modo, on s'est intéressé à la relation entre les autorités publiques et les itinérants de tout acabit, en fait. Et voilà, messieurs, il y a un premier constat qui est ressorti, en fait, là-dedans. Je vais vous demander de vous présenter un petit peu de le rôle que vous avez à jouer dans cette enquête-là, dans ce dossier-là. Et le premier chiffre qui saute aux yeux, d'ailleurs dans le dossier que vous m'avez remis, c'est vraiment c'est flagrant, c'est que, mesdames, messieurs, les données ont été recueillies dans la première décennie du 21e siècle, donc entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2010, et ça dit que 3735 constats d'infraction ont été donnés à seulement 284 personnes. Et ces 284 personnes-là sont considérées comme des itinérants. Donc, d'abord, Frédéric, alors qui est directement sur le terrain avec ces personnes-là, comment ça s'est déroulé cette enquête-là? Il y a une sortie publique aussi qui a été faite il y a quelques semaines. Racontez-nous un peu les événements, s'il vous plaît. OK, oui. D'abord, nous, on n'est pas directement sur le terrain avec ces personnes-là. Le regroupement, le RAIC, en fait, D'accord. C'est le regroupement pour l'aide aux personnes itinérantes de Québec. Donc, c'est un regroupement de 34 organismes communautaires qui okay. travaillent auprès des personnes. OK, c'est comme une fédération, en fait. C'est... Oui, un peu. En fait, l'idée, c'est de faire ressortir les enjeux qui sont vécus un peu par les différents groupes puis d'essayer de trouver des solutions collectives par rapport à tout ça. Notre part, si on veut, par rapport à ce projet de recherche-là, ben c'est sûr qu'on a collaboré à la sortie des données. On a collaboré à la recherche, mais il reste que c'est une recherche qui est complètement indépendante. C'est okay. Bello, Marie-Ève Sylvestre, qui ont travaillé par rapport à ce projet-là, en collaboration avec la ville, vraiment. C'est sûr que nous autres, par exemple, toute la question du droit de cité, puis de la judiciarisation des personnes itinérantes, puis le droit de cité, c'est vraiment toute la question de l'utilisation des espaces publics. C'est de quoi qu'on essaye de porter à l'attention du public quand même, puis de sensibiliser les gens, si on veut, à ce phénomène-là depuis une couple d'années. Il faut comprendre que le phénomène n'est pas banal à la base non plus. De dire qu'il y a des gens qui peuvent recevoir, puis des gens marginalisés, des gens désaffiliés, des gens qui vivent des problématiques diverses, qui peut recevoir des tickets allant jusqu'à 100, facilement jusqu'à 150 $ pour des articles comme flânage, mauvaise utilisation de l'espace public, traversée au mauvais endroit, ivresse sur la voie publique, des trucs que souvent on va voir quand même des comportements que l'ensemble de la population peut faire. On s'entend traverser au mauvais endroit au niveau de la rue, pas prendre de passage piéton. En se promenant sur le trottoir, on s'entend que... Ben, c'est ça. Si on ferait ça à 3h du matin et qu'on donnait des tickets à tout le monde qui ont pris un verre de trop... Sur la Grande Allée. Ouais, ouais. Cette magicie, c'est la 3e avenue à Limoilou, la sortie du bal du Lézange, je dirais de quoi, il y a une pièce à faire, tu sais. C'est ça. Donc, puis en plus, on donne ces tickets-là à des gens qui n'ont absolument pas les moyens de payer ça. Soit des gens qui n'ont aucun revenu, des gens qui sont sur l'aide sociale. Je vous rappelle, l'aide sociale, c'est 575$ par mois. Mais trois tickets sur un mois à 150$ du ticket, tu viens d'hypothéquer une bonne partie. Puis c'est des tickets qui pouvaient être donnés à plusieurs reprises, soit dans une même journée, dans un même mois, sur une même année. Et puis on parle de 3700 contraventions pour 280 personnes. Mais on s'entend ça, je veux dire, c'est très bien dit aussi dans le rapport, c'est la pointe de l'iceberg, là. Parce que méthodologiquement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti les gens qui donnaient leur adresse, les adresses qu'ils donnaient, c'est celles des groupes communautaires qui les accompagnent. D'accord. C'est pas toutes les personnes qui sont accompagnées par des groupes communautaires, et c'est pas toutes les personnes qui reçoivent des tickets qui ont le réflexe de donner l'adresse d'un groupe communautaire. Donc, quand on parle de la pointe de l'iceberg, c'est vraiment un très faible pourcentage de l'ensemble des contraventions qui ont été données. Puis ça nous amène à une autre question. Pourquoi ces contraventions-là sont amener comme ça. Puis c'est de quoi qu'on essaie de dénoncer aussi, c'est de quoi qu'on essaie de sensibiliser la population, de dire ben, l'importance de la mixité dans les quartiers centraux, entre autres. Mais pourquoi ils donnent ces contraventions-là? Pourquoi ils s'acharnent, entre guillemets, sur eux autres? Bien, on s'entend, la Ville de Québec, là, si on regarde dans les 10-15 dernières années, ça a changé pas à peu près. Hein. Si on remonte à il y a 15 ans, là, c'était encore dans le temps où le carré du Hauville, ça brassait pas mal, puis il y avait beaucoup de monde. Ma mère ne veut pas que j'y aille. Voilà, c'est ça. Donc, puis tu sais, je veux dire, c'est un quartier qui a été complètement revitalisé, ça a changé bout pour bout. Maintenant, c'est magnifique, le carré du Hauville, mais c'est plus un lieu qui est habité nécessairement. Surtout pas par les populations locales. De la même manière, le phénomène s'est déplacé dans les dernières années au niveau de la base ville. Il y a eu tout le quartier Saint-Roch qui s'est transformé quand même beaucoup avec la disparition du maire et tout ça. Beaucoup de nouveaux arrivants dans le quartier. C'est ce qu'on a vécu il y a 10-15 ans en Haute-Ville. On est en train de le vivre en base ville aussi. Des magasins de luxe qui arrivent, des promoteurs immobiliers qui font des tours à condos qui vont vendre à un prix... imposant, si on veut. Et puis les populations qui étaient là, qui étaient quand même des populations désaffiliées, plus appauvries, ben forcément, ils cadrent moins dans le décor maintenant. Mais est-ce que ça serait dans l'intérêt? Pourquoi la police voudrait les tasser? Je veux dire, y a-t-il une idée politique derrière ça ou c'est la police qui dit juste ah, « ils me tapent ses nerfs, les autres sont pas beaux dans le décor? » Excuse-moi, Eric, je pense que c'est Maxime qui aussi travaille sur le terrain directement. Je veux dire, c'est toi-même qui m'a apporté le dossier, en fait, qui m'a approché pour qu'on puisse en parler en onde. Donc, vas-y, selon toi, là... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on assiste à ce genre d'événement-là? Un gars comme moi, par exemple, qui se promène en état d'ivresse sur la rue, mettons, et je me fais pas aborder, je croise des flics, et pourtant, je sors d'un bar à la fin, et pourquoi ces personnes itinérantes-là, on s'attarde à eux? Là. Ouais. Ben, ça fait quand même assez longtemps que c'est une solution qui a été utilisée, là, la judiciarisation. On l'a vu à New York dans les années 80, quand les différents maires, Giuliani, tout ça, ils ont clairé Manhattan, vraiment. Là, puis on s'est ramassé avec un problème d'itinérance, mais dans les banlieues, au lieu de l'avoir au centre-ville. Puis de la manière qu'ils ont clairé la place, tout simplement, c'est en utilisant la judiciarisation. La police, là-dedans, a son rôle à jouer. Mais il ne faut pas non plus taper sa police à outre mesure. Parce que ce que le rapport démontre, dans le fond, c'est que c'est une commande qui vient de plus haut que la police. C'est pas simplement la police. La police, c'est un outil. La police, elle va utiliser les moyens qu'on va lui donner en tant que société. Puis ça, c'est un phénomène qui est beaucoup plus large puis beaucoup plus grand que simplement dire les policiers sont donc bien pas gentils puis ils font exprès pour faire du harcèlement. Il y en a peut-être des policiers, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pas de dire il y a quelques pommes pourries qui ont fait du mauvais travail. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'on a demandé probablement à la police de Québec d'utiliser des techniques de cette manière-là pour déplacer les populations. Par contre, ça a été probablement un moyen qui était rapide, qui a été peut-être facile, mais avec les populations humaines, c'est toujours plus compliqué. On est là avec des individus, avec des humains, c'est jamais aussi simple que ça. Nous, en tant que travailleurs de rue, ce qu'on se rend compte, c'est que plus une personne est judiciarisée, moins elle a de chances de sortir de la rue. Donc, plus on aggrave le problème. Même qu'on peut les pousser vers la criminalité si ce n'était pas le cas au départ, en les bombardant d'étiquettes. Généralement, ces personnes-là, une fois qu'elles ont un nombre imposant de constats d'infraction, qu'elles sont à 12 000, 15 000 $ de constats d'infraction, n'avoir un de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose. Ils vont prendre une entente de paiement, ils vont payer 50 $ par mois, puis ils vont continuer à faire du squeegee, ou ils vont continuer à quêter, ou ils vont continuer à être ou flâner dans les lieux publics. Puis quand ils ont des nouveaux constats d'infraction, ben ils font juste simplement les mettre aux poubelles, puis à continuer. Mais une fois où ça s'est passé, une fois qu'ils sont plus dans la rue ou ce qu'ils veulent essayer de s'en sortir, c'est pratiquement impossible. Parce que le jour où ils commencent à travailler, le montant qui va leur être demandé pour rembourser leur constat d'infraction est trop élevé. Et qu'on se rend compte actuellement que c'est pas une manière de finalement de côtoyer la rue, c'est pas une manière de régler un problème. Tout ce qu'on fait, c'est le tasser pour laisser une place à autre chose. C'est ce qu'on a fait en Haute-Ville, c'est ce qu'on a fait en Basse-Ville. Puis on l'aime, notre Basse-Ville, comme elle est, là, elle est belle. Là. Puis on l'aime, là, la Haute-Ville aussi, comme elle est. Là, c'est beau, là. Puis les nouveaux condos, c'est correct aussi. Il faut créer de la richesse, ça, c'est bien. Mais il faut juste faire attention de ne pas créer de la richesse sur le dos de la pauvreté. Puis nous autres, c'est le point qu'on veut peut-être mettre de l'avant, puis que les citoyens s'en rendent compte et en prennent conscience. Okay, si je comprends bien, c'est que finalement, en faisant ça, cette pluie d'étiquettes-là, c'est qu'on rajoute un boulet à ces gens-là qui sont déjà dans la difficulté. Puis l'affaire, c'est qu'on jette la poussière en dessous du tapis. C'est-à-dire qu'au lieu de l'envoyer, puis ça, tu dois le vivre à Beauport, c'est que les gens ont quitté les centres-villes. On en parlait avec la défavorisation des banlieues il y a quelques semaines aussi. C'est que les personnes qui vivent au centre-ville, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, tout ça, là, sont tassées plus vers les banlieues. En fait, c'est la ville carte postale qu'on veut créer. Et dans le document, que tu m'as remis, mon cher Maxime, c'est qu'il y a un graphique ici là, qui présente l'augmentation de cette fameuse judiciarisation à Québec même. Et là, en 2000 et 2010, et là, en 2000, on a 71 constats d'infraction qui sont donnés. 2002, 201, on monte à 290 en 2004, et là, tout d'un coup, en 2007, paf, 732. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer? En fait, je sais que le Mail Saint-Roch a été fini de démolir en 2007. Ça expliquerait peut-être, mais il n'y aura pas aussi l'avènement du 400e? Bon, c'est définitif que, bon, quand on a un événement de caractère international, c'est sûr qu'une ville veut bien paraître. Maintenant, on sait qu'à Pékin, ils ont peinturé le gazon là, avant les Jeux olympiques. C'est sûr qu'à Québec, on a fait un peu la même chose, je pense, à quelque part. Il y a un projet aussi qui s'appelait le projet Respect, qui est arrivé en 2006, où les policiers étaient plus proches peut-être du citoyen en débarquant des autos de police, en marchant dans les rues, en allant voir les gens. Par contre, les policiers, les outils qu'on a, qui ont, c'est de donner des constats d'infraction. Fait qu'automatiquement, s'ils sont plus avec la population, ils sont capables de voir plus de comportements qui sont considérés comme illégaux. Donc, ils vont remettre plus de contraventions. C'est une des explications. Peut-être aussi qu'il y a eu une commande de la ville de dire accentuer vos contraventions parce que le 400e s'en vient. Ça, c'est nébuleux. C'est vraiment le service de police qui pourrait peut-être nous répondre s'il accepterait de répondre à cette question-là. Oui, bien sûr, Eric, vas-y. Oui, mais en fait aussi, au-delà d'une éventuelle commande de la ville, mais ça, c'est de quoi qu'on ne le sait pas, en fait, absolument. Ce que ça dit. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des populations, au niveau de, mettons, si on prend Saint-Roch, par exemple, toute la nouvelle mixité, en fait, qui se crée dans le nouveau Saint-Roch, bien, veut pas, les nouveaux arrivants, ils n'ont pas nécessairement la même compréhension du quartier que les anciens des résidents, si on veut. Donc, ça crée un clash social, quand même, et ça crée de l'insécurité aussi. Donc, tout ce besoin de sécurité-là, la police nous l'a dit aussi, mais je fais quoi avec toutes les plaintes que je reçois parce qu'il y a quelqu'un qui quête, parce qu'il y a quelqu'un qui est amoché un peu sa rue, parce qu'il y a des gens du quartier qui vivent un sentiment d'insécurité, qui souvent n'est pas nécessairement justifié. Je veux dire, le quartier n'était pas nécessairement terriblement malfamé non plus. Là. T'sais, c'est pas parce que tu croises un itinérant que ta vie est en danger. C'est ça. Donc, c'est toute cette réalité-là de dire ce sentiment d'insécurité-là, puis là, il y a eu des actions de la police qui ont été portées. Nous autres, c'est plus la lecture qu'on a pour l'instant. D'accord. Puis l'impact que ça a, par exemple, c'est que ça accentue aussi. Plus il y a de l'intervention de la police, plus il y a de la police partout. Un, ça aide pas au niveau du sentiment de sécurité. Mais en plus, c'est que sur les populations marginalisées, les populations qui sont plus ciblées à travers tout ça, bien forcément, eux, leur sentiment d'insécurité est encore plus fort. Là. Ouais, comme disait Victor Hugo, police partout, justice nulle part. Bon, maintenant, au niveau des solutions, par exemple, que vous voulez apporter, Maxime, tu me parlais que le Barreau du Québec aurait réagi aussi à cette enquête-là. Oui, bien le Barreau du Québec, ce qu'il recommandait, c'est que ce serait une amnistie complète là, des constats d'infraction qui ont été donnés dans le cadre de entre la période de 2000 à 2010 là, au niveau des personnes itinérantes. Donc, il y aurait quand même une démarche, là, je ne connais pas exactement leur démarche qu'ils voudraient faire. Est-ce que comment ils feraient pour cibler les personnes qui seraient éligibles à l'amnistie, mais d'amnistie ces personnes-là. Moi, j'ai une théorie personnellement par rapport à l'autoritarisme qui est tout simple, c'est que l'autorité est comme un médicament. L'autorité peut être utilisée, mais a des effets secondaires. Il faut être certain de ne pas utiliser une trop grande quantité, une posologie trop élevée d'autorité, parce qu'on risque d'avoir des effets secondaires plus grands que le problème. Je pense que c'est un peu ça qui est arrivé dans ce cas-ci. Je pense qu'on l'a échappé un peu. Puis quand on l'a échappé, je parle en tant que société, la Ville de Québec, et non, je veux quand même leur dire, et non simplement les policiers. Je pense qu'on l'a échappé à ce niveau-là, puis qu'on a créé plus de problèmes, plus de difficultés, que finalement, on a réglé le problème. On a réussi à petite échelle rapidement à tasser les gens pour pouvoir construire ce qu'on avait à construire, mais on va avoir des répercussions de tout ça à moyen puis à long terme. C'est ça, ça ne règle pas le problème en profondeur, Eric? Oui, en fait, on les a déjà, les problèmes aussi. Hein. Quand on parle létalement des problématiques, je veux dire, bon, on le voit dans la pratique du travail de rue, Max va pouvoir en témoigner certainement aussi, c'est que, un, l'espace public, c'est plus un lieu d'appartenance, c'est un lieu de transition. Tu sais, je veux dire, tu passes dans un espace public. Tu ne l'habites pas nécessairement. Tu ne peux pas te l'approprier plus autant qu'on pouvait le faire il y a quelques années, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 15 ans. Ça fait que cette réalité-là, de la perception de l'espace public, elle change. Faut que tu aies un passant, même. Quand on accuse quelqu'un de flânage, moi, j'ai toujours trouvé ça assez absurde, de flâner, je suis dans un endroit public. C'est précisément souhaitable. J'aimerais avoir le temps de flâner plus. Mais oui, j'aimerais qu'il y ait plein de flâneurs partout, puis qu'on se rencontre. C'est ça, mais ça a un impact, vraiment, tu sais, au niveau de l'accompagnement. Ça veut dire l'étalement des problématiques. Les gens qui marchent plus, vont se déplacer plus, pour un travailleur de rue, ça devient beaucoup plus difficile de rentrer en lien. Si les gens s'écartent aussi, s'éloignent des services existants, les groupes communautaires qui accompagnent les personnes, tout ça, plus les gens s'éloignent, plus on a de la difficulté à avoir des services, plus ils vivent l'isolement. C'est une réalité qui n'est pas évidente. Puis pour un travailleur de rue, il y a 15 ans, là, tu peux passer ta semaine au carré d'Ouville, puis tu allais avoir des échanges constructifs, développer des liens, tout ça. Maintenant, il faut que tu fasses le tour de la ville pour rencontrer le même nombre de personnes. Puis encore là, c'est des rencontres plus sporadiques. Puis ciblées sur une ou deux personnes. Puis en fait, c'est que tu dois être beaucoup plus proactif aussi dans ton intervention. Ou tu sais, la personne, tu ne peux pas attendre de la croiser 8, 10, 15 fois là, avant d'avoir un lien, de développer un contact avec. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas la recroiser. Donc, c'est toute cette réalité-là où l'intervention devient plus compliquée, l'isolement est de plus en plus présent. Puis de l'autre bord, on sent que le tissu social est plus fragile que jamais avec l'explosion du coût des loyers. Tout le monde a de la misère à se loger. Ça fait qu'imagine sur l'aide sociale. Rien de simple, là. Cette réalité-là, est de plus en plus présente. Plus de monde qui vont dans les soupes populaires, plus de monde qui font appel au dépannage alimentaire. Moisson Québec a de la misère à fournir à la demande. C'est tous des enjeux qui sont de plus en plus présents. Puis l'accompagnement des personnes, puis la présence de ces personnes-là dans les espaces publics se fait sentir de moins en moins. Alors, messieurs, voilà, en espérant que la sortie de cet article-là et toute la vague que ça a pu faire puisse mieux vous aider dans l'exécution de votre travail. Donc, félicitations pour votre initiative. Merci beaucoup d'avoir été en studio avec nous. Est-ce qu'on peut consulter ce rapport-là? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est la Ligue des droits et libertés. Il y a moyen d'aller sur le site Internet, je crois, puis de pouvoir le consulter. Le rapport s'appelle? C'est la judiciarisation des personnes itinérantes à Québec, des discours aux chiffres. Donc, sur le site de Céline Bellot. Sur le site de la Ligue des droits et libertés, on vous invite à aller le feuilleter. Voilà, mes chers amis. Écoutez, ça va passer à grande vitesse. Merci beaucoup à nos amis qui sont venus nous voir en studio. Bravo pour votre travail de terrain. Je pense que quand on parle de donner la parole à des gens qui appliquent des solutions, félicitations, messieurs. Merci d'avoir été là pour nous en parler. Alors, on était avec Maxime du Trip Jeunesse Beauport, travailleur de rue, et avec Frédéric Cac, voilà, du RAIC, le regroupement pour l'aide aux personnes itinérantes de Québec. Catherine Dorion, merci beaucoup de ta présence encore une fois cette semaine. Merci à toi, Christian Saint-Pierre. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour notre première émission de décembre. Cette émission tout de suite après. On va rejoindre Tania Beaumont en direct du Sacrilège. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une prochaine émission de La Fausse Patte. Dépanneur unique, la Duchesse d'Aiguillon se démarque grâce à son histoire et son ambiance, mais surtout parce qu'elle offre la plus grande sélection de bières au centre-ville de Québec. La Duchesse d'Aiguillon nous invite à découvrir les nouveaux produits d'ici et d'ailleurs dans le cadre de la chronique bière à l'émission du matin de CKRL, Le Continental. L'ultime rendez-vous des amateurs de houblon. Dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon, coin Sainte-Marie. 418-647-2972. Visitez notre page Facebook.